Salut à tous, podcast numéro 40, vous êtes dans Upcast, le podcast qui va vous parler plus trop de technologie depuis quelques numéros quand même, je vais peut-être arrêter de le dire maintenant, surtout de divertissement et de jeux vidéo. Je suis Grégoire, je suis l'hôte du podcast pour ce numéro 40 et je suis avec mes collègues et amis qui sont présents ce soir, parfois physiquement. Salut Julien notamment, qui est avec moi. Salut à tous. Comment ça va, Julien? Bah ça va mieux que la dernière fois. Ça va mieux, bah ouais. C'était de mon fait, j'ai dû annuler le podcast pour en raison de la grippe. On a eu une longue pause entre deux podcasts. Voilà. La faute à Julien. Faute à la grippe. Et Yao qui est également autour de la table. Salut Yao. Ah salut, je crois que tu présentais Dim avant moi, mais. Bah non, écoute, hein, okay, j'ai commencé cool, par j'ai les. Pris ta place, Dim, t'as vu ça? Les gens qui sont là. J'ai commencé par les gens présents physiquement. Non, ouais, Dim, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, c'est un peu la crème fouettée sur notre podcast préféré. Comment ça va, Dim? Moi du coup ça va un peu moins bien, c'est moi qui commence à choper la crève, mais bon, on va faire avec. Ouais, bah écoute, tu nous diras hein, si jamais ça va pas, vous avez compris Dim, c'est lui cette fois-ci qui va tomber malade en plein milieu du podcast. On verra s'il est toujours là avec nous à la fin. On va commencer rapidement, enfin bientôt avec les news comme d'habitude, news divertissement, mais je crois qu'avant Yao voulait faire un petit retour sur le podcast de la dernière fois, un débrief sur le podcast qui était notamment, on parlait de la Switch et je crois qu'il y avait quelque chose que tu voulais nous souligner. Non, je tenais à dire que c'était très bien expliqué, Julien a tout dit, sauf une chose, je reviens sur l'événement, donc on était tous les deux présents au Grand Palais, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça. Donc on a testé la Switch avec des, ouais, avec des amis d'un certain forum, ils vont se reconnaître aussi. Des amis à Julien, surtout. Vas-y, viens-en en fait, que veux-tu me dire ? donc on a testé les jeux, tout ça, patati patata, et en sortant de cet événement, Julien m'a dit « Jamais de la vie, j'achèterai la Switch Day One, t'inquiète, c'est pas la peine que t'achètes une Switch pour Zelda, moi je vais le faire sur Wii U ». Et alors, quoi, c'est genre une semaine il y a une semaine de peut-être ça peut-être deux semaines après, ouais. Julien me dit, oh, tu sais quoi, j'ai préco la Switch avec One Two Switch, non, Zelda pas, ouais, Switch. Non, j'ai pas préco One Two Switch. Donc voilà, j'étais un peu surpris de colporter de son comportement. Monsieur Inter, monsieur, j'ai jamais acheté Zelda sur Switch, non, ça vaut pas la peine. Comme je disais la dernière fois, moi j'ai une grande passion pour les consoles portables. Mais souvent, en fait, j'achète des consoles portables et je joue pas vraiment. Donc, depuis tout petit, depuis j'ai eu une PC Engine GT à laquelle je jouais beaucoup, mais voilà, j'ai acheté beaucoup de portables. Et donc, finalement, voilà, je me suis dit l'acheter maintenant ou l'acheter cet été pour Splatoon 2. Bon, il n'y a pas forcément une grande différence. Et c'est vrai que les offres Fnac ont fait que finalement, j'ai commandé une PS4 Pro et une Switch. Voilà. Je me répète, t'as dit jamais de la vie, c'est tu l'achètes Zelda, tout c'est tout pas fait. La peine, fais des sens. Non mais en plus, je continue à dire que ça ne sert à rien de l'acheter des One si on a déjà une Wii U, mais après, comme il disait dans Une Nuit en Enfer, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Comme quoi, mais à mon avis, t'es pas le seul à avoir changé d'avis et j'ai l'impression que les précommandes vont s'enflammer plus. Bah, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on en parlera dans la partie vidéo. News, voilà. Ouais. Tout à fait, allez, on va commencer. C'est là que Dim va nous annoncer. Dis-moi s'il va l'acheter, je serais étonné. On va commencer avec la partie divertissement. Partie divertissement et je vais tout de suite commencer. Alors il n'y aura pas de débat dans cet épisode 40 hein, pour le moment. On n'a pas trouvé une actualité suffisamment intéressante pour faire un débat. On débattra peut-être des news. On débattra certainement des news. Hein. Il y en a certainement qui vont vous étonner. Restez avec nous jusqu'au bout. La quatrième va vous étonner. Non, je commencerai par traditionnellement mon point série puisqu'on a eu beaucoup de news sur les séries et les prochains développements de séries entre nos deux podcasts, surtout qu'on a eu un mois qui s'est passé, donc forcément, on a eu pas mal de news. Alors que Dimitri tourne ses pages de son côté et qu'on les entend d'ici. L'envers du podcast. Ah, excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Behind the scenes. Non, je voulais commencer à parler de certaines séries, et notamment une série qui s'appelle Feud, la nouvelle série du créateur d'American Horror Story. Alors, je ne sais pas si je la prononce pas bien, ou si c'est pas Feud. Feud. En tout cas, c'est F-E-U-D, voilà. Hein. Donc, c'est le premier teaser qui a révélé cette nouvelle série de Ryan Murphy, hein, donc, qui a créé American Horror Story, qui a un grand succès aux États-Unis et en Europe. Et là, ça va traiter des combats et affrontements célèbres de l'histoire. Voilà, hein, donc la première saison, a priori, va raconter la rivalité entre les actrices Joan Crawford et Bette Davis sur le tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, sorti en 1962. Et le casting est quand même à la hauteur des rôles pressentis, puisque c'est Susan Sarandon et Jessica Lange qui interpréteront les deux actrices. Jessica Lange, on a l'habitude de la voir travailler hein, sur les projets de Ryan Murphy, donc on n'est pas trop étonné de voir ça. A priori, ça serait composé de 8 épisodes et la série débute bientôt puisque c'est le 5 mars sur FX. Et justement, si on parle justement des séries de Ryan Murphy, c'est l'occasion aussi de parler de American Crime Story puisque bah, vous le savez, moi je l'avais recommandé hein, dans mes conseils l'année dernière, The People versus O.J. Simpson. Ça a été un des plus gros succès des séries de l'année dernière. On a eu pas mal de une très bonne audience, beaucoup de récompenses également pour cette série. Et les Ryan Murphy a du coup donné un peu d'actualité sur cette série-là et il a confié que les prochaines saisons ne seront pas aussi concentrées sur un procès. Elles seront d'une forme un petit peu différente. Alors je cite, hein, il dit « Nous ne ferons plus de procès comme on l'a fait avec People versus O.J. Simpson. Chaque saison, on cherche une façon de planter le drapeau dans la série, mais on doit être radicalement différent. » Donc a priori, la deuxième saison sera centrée sur l'ouragan Katrina et ses répercussions et une troisième saison déjà annoncée, serait consacrée au meurtre du couturier Versace par le tueur Cunanan. En plus de ça, il est aussi question d'une saison sur le scandale Monica Lewinsky-Bill Clinton. Hein, donc peut-être nous annonce-t-il déjà la saison 5. Enfin, je ne sais pas où. Voilà, en tout cas, il s'avance, hein, mais il peut, puisque le succès, je le répète, a été largement au rendez-vous pour cette série. Et il dit que de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas finalement tellement le crime, c'est aussi le contexte social qui va avec ce crime. Hein, bien sûr, on l'avait vu avec O.J. Simpson, c'était le sexisme, le racisme. Et a priori, il va retourner vers cet aspect-là avec le crime Versace. Donc, voilà, avec notamment l'homophobie, l'admiration des célébrités, etc. Ouais, c'est des moyens d'éclairer les parts d'ombre de l'Amérique. Exactement. Par les faits divers, quoi. Exactement, des faits divers particulièrement médiatisés, en l'occurrence. Et tu sais que je crois que pour Feud, on avait fait... Alors, je sais pas si on n'avait pas fait déjà une news, en fait, dessus. Ouais. Oh, merde. Tu sais que ça me dit quelque chose. C'est possible. Mais parce qu'en fait, je me rappelle pas si je l'avais écrite et que finalement, on l'a pas pris ou alors le podcast a été annulé, mais ça me dit quelque chose, en fait. C'est possible, hein, c'est possible. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elle a eu un petit peu de retentissement, ouais, parce que Ryan Murphy, de plus en plus, ses news, enfin, ses séries sont scrutées par le public parce que le grand public commence à connaître son nom et à suivre ses projets. Et du coup, ça a une signification particulière, le feud ou... Je ne sais pas, j'avoue. Alors, je sais pas feud, ça veut dire rivalité, je crois. Voilà. Merci, Dim. Notre traducteur. Ah, il est allé à New York, hein, quand même, dernièrement. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est vrai. On sent qu'il a bien voyagé. Mais, Ryan Murphy, c'est lui qui avait fait la série sur ceux qui faisaient de la chirurgie esthétique. À Nip-Tuck ? Nip-Tuck, ouais. Ouais, c'était, ouais, bien, c'était ça. Lui, ouais. Ouais, voilà, il avait déjà quand même sa petite notoriété. Il avait déjà une bonne notoriété, clairement. Son nom était peut-être moins connu que maintenant. C'est vrai que maintenant, disons qu'il n'a plus aucun problème pour monter des projets, même si, tu vois, en annonçant déjà 4 saisons, 5 saisons d'une série, alors qu'on n'en a eu qu'une première saison, c'est déjà voilà, un certain succès. Sachant qu'en plus, American Crime Story, c'est pas avant 2018, la saison 2. Donc là, on parle déjà de 2020, 2022, etc. Quoi. Ouais, Dim. En tout cas, c'est cool si ces séries, elles marchent bien, autre que American Horror Story, parce que je trouve qu'American Horror Story... Depuis la saison 4, ça décline en niveau qualité chaque année, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal à suivre. C'est pire en pire. Ouais, a priori, là, ils parlent d'un renouveau, puisque tu sais qu'ils vont faire un lien entre toutes les saisons, là. Mais c'est vrai que j'ai du mal à croire que ça va relancer un petit peu pour l'American Horror Story la passion. Parce mais que... ça a été renouvelé en plus pour une saison jusqu'à 8, il me semble, quand même. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, mais ça marche vachement bien aux États-Unis, American Horror Story. Bon, je continue sur mes séries avec Arrested Development. Je ne sais pas si vous aimez, si vous suivez autour de cette table. Et puis toi, Dim, oui, de l'autre connais. Côté. Moi, je connais. Je Sky, moi, je connais que le nom. Tu disais Yao, toi ? Je ne suis aucune série. Tu ne suis aucune série. Bon, bah, il ne joue à rien, il ne suit que la peur de film. On ne sait pas pourquoi il est là. Voilà. Non, mais je connais deux noms, après, je n'ai jamais regardé. Bah, Arrested Development, écoute, je te le conseille au passage. Hein, si tu, un jour tu t'abonnes à Netflix, tu pourras la trouver. En fait, je dois, pour te dire, depuis l'arrêt de Malcolm, j'ai pas trouvé de série je pense que... à la hauteur pour moi. Donc, Arrested Development pourrait être un bon candidat. C'est, délire, c'est vraiment très très drôle. C'est pas exactement le même délire, je crois que c'est encore plus dans le non-sens que Malcolm. Ça va vraiment, vraiment loin dans l'humour, complètement barré. Et c'est une série qui est devenue culte, hein, parce qu'elle a été tournée en fait il y a longtemps, cette série. Ouais, elle est terminée, c'est ça ? Elle est... Parce que j'avais en vu fait... qu'il n'y avait pas de genre de pétition pour qu'elle reprenne. Bah voilà, c'est un peu ça le problème, le sujet de cette news, c'est-à-dire qu'on est depuis une éternité sur la cinquième saison, cinquième chapitre d'Arrested Development est censé être entré en production. Et c'est tout le temps repoussé, en fait. C'est tout le temps repoussé. Pourquoi ? Parce que tous les membres qui ont fait justement le casting original d'Arrested Development sont un peu devenus des stars depuis. D'accord. Et ils n'arrivent pas à retrouver des dates, etc. C'est hyper compliqué. Alors, en fait, là, a priori, il y a TV Line qui a rapporté des informations comme quoi le tournage de la cinquième saison pourrait commencer à compter du mois de juin prochain. et qu'il y aurait a priori 17 épisodes, sachant que du coup il y avait eu une quatrième saison déjà en 2013 qui était déjà séparée des autres depuis pas mal d'années, et ça avait été déjà très compliqué parce qu'au niveau scénario ils avaient dû composer avec l'ensemble du casting et qu'il y avait déjà pas mal d'obligations, parce que par exemple il y a Jason Bateman, c'est ça? Ouais, voilà, il y a Michael Cera, il y a plein de stars qui étaient devenues de plus en plus connues. Et du coup, ils avaient dû composer avec ça, et notamment pour la saison 4, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait des épisodes centrés sur un personnage plutôt que sur la famille, et c'était déjà beaucoup moins intéressant au niveau... regardez, c'était moins sympa, c'était moins marrant, honnêtement, ça avait bien moins marché. Et là, du coup, ils ont dit qu'ils voulaient revenir quand même à l'histoire de faire vraiment montrer toute la famille d'un coup. Donc on va voir s'ils vont réussir à trouver des dates pour pouvoir filmer tout ça en même temps. Ça devrait pas être... simple. Après, il y a peut-être une solution qui permettrait de gagner du temps, c'est que a priori la cinquième saison sera en partie basée sur des flashbacks, donc ils vont incarner, il y aura des nouveaux acteurs qui vont être castés et qui vont incarner les versions rajeunies de nos personnages favoris justement. Donc on verra ça, mais je pense quand même que voilà, il faut encore pas trop mettre sa main à couper en disant que ça va se faire, etc. C'est toujours une série très compliquée à faire, et c'est pour ça, je pense, qu'elle reste mythique en grande partie. Je continuerai ce premier point, et ça sera ma dernière partie, ma dernière news de la première partie des news séries, sur Stranger Things, hein, puisque forcément, c'est une série également qui a eu beaucoup de succès. Sur la hype des 80s, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et ils ont, tu l'as dit, hein, vraiment une ambiance très 80s dans cette série. Ils ont dit, bien sûr, que pour la saison 2, ils allaient continuer. Hein, ils vont pas faire un saut temporel, donc on va rester dans cette ambiance très 80s. On sait a priori qu'il y aura une partie qui va se focaliser sur le passé du shérif Jim Hopper. On sait également, puisque là c'est pas vraiment un spoiler, hein, vous avez, pour ceux qui l'ont vu, qu'on va revoir Eleven, hein, a priori, puisqu'ils le disent partout, elle est partout sur les affiches et on les a déjà vus dans la bande-annonce, donc ils l'ont clairement annoncé, hein, les gens, Eleven est de retour, ça sera un élément essentiel de la saison, hein, sans qu'on sache ni comment ni pourquoi, et on va explorer son passé, ont déclaré les créateurs. On va apprendre donc d'où elle vient enfin, comment elle est venue au monde a priori, comment le programme scientifique a fait d'elle ce qu'elle est, a confié donc le showrunner au magazine Entertainment Weekly. Donc on a aussi d'autres news a priori, hein, sur cette saison 2 de Stranger Things. Ça serait a priori Sean Astin qu'on va retrouver également dedans. C'était celui qui incarnait Sam dans Le Seigneur des Anneaux. Donc peut-être qu'il aurait, a priori au début c'était pour un petit rôle. On savait qu'il incarnerait un certain Bob Newby, un nerd aux commandes de la radio Dawkins, donc la ville dans laquelle ça se passe. Mais a priori, il y a des rumeurs comme quoi il dirait qu'ils auraient en fait un rôle un peu plus important que ça, et peut-être même un potentiel boyfriend de Winona Ryder dans la série. Donc on verra, hein. Il y a pas mal de choses qui tournent autour de cette série parce qu'elle fait la hype, hein, clairement. Il y a même Shyamalan qui a dit qu'il aimerait réaliser des épisodes de la saison 2, hein, donc on va voir si finalement ils ont dit non. Ou pas. Non, ça va se planter. Non, donc voilà, bon, et puis tout ça, ça a été en même temps, excuse-moi, mais Shyamalan, c'est le protégé des frères Duffer, il me semble. C'est lui qui les avait engagés sur sa série... Wayward Pines ou un truc comme ça, il me semble. C'est pour ça qu'ils ont c'est pour ça qu'ils s'expriment particulièrement là-dessus sur Stranger Things alors. Ça chahait pas, tu vois. D'accord. Donc en fait, il les connaît, les mecs qui sont derrière, quoi. Voilà, exactement. D'accord, ouais. Ok. Bon, en tout cas, du coup, ça a été l'occasion. Il y a eu le Super Bowl entre nos deux podcasts et effectivement, on a vu le premier teaser de la saison 2. Et donc, voilà, une première date, hein, pour la diffusion. Ça sera le 31 octobre prochain qu'on retrouvera tout ça. Voilà. D'ailleurs, la bande-annonce, c'était une des bandes-annonces qui avait le mieux marché, ouais, du Super Bowl. Hein. Bah, clairement. Enfin, qui a retenu le plus l'attention. Ah ouais, sur Twitter, ça a été la folie et on sent que les news se déchaînent. La série avait très bien marché pour sa saison 1 et a priori, elle est déjà. Netflix frotte déjà les mains pour la saison 2, puisqu'effectivement, les gens l'attendent visiblement de pied ferme pour Stranger Things. Bon, ça me laisse le temps de la regarder 31 octobre, ça. Bah écoute, on te la conseille. Ah ouais, je sais. C'est au programme. Je te laisse la parole, Julien, justement. Ça sera la première moitié de mes news séries. Je vais m'arrêter là. Et je te passe la parole pour revenir un petit peu dans le passé entre nos deux podcasts, ouais, pour parler peut-être un peu des cérémonies. Oui, alors je vais peut-être d'ailleurs la diviser comme ça fera pas trop un tunnel de points cérémonies. Ouais, on en parlait déjà la dernière fois il y a un mois, c'est vraiment la période des cérémonies puisque là, fin février, on aura les Oscars et les Césars. Et là, on a eu aussi, on en avait parlé la dernière fois, les Victoires de la Musique. Alors, bon, le coup, il faudra regarder si nos prédictions et nos votes quand on avait Chaton Pute qui était là ont été bonnes. Alors, je sais pas trop pense qu'on a eu, bon, j'ai pas trop regardé en fait les résultats parce que c'était vendredi, donc certaines personnes m'ont envoyé des textos pour me dire oh, Jules a gagné un truc dans musique urbaine. Putain, j'ai enfin vu ce que c'était Jules, j'ai vu une pub à la télé pour Jules, mais c'est de la grosse merde. C'est pas terrible. Hein. C'est juste honte, horrible. Quoi. C'est honteux quoi. Bon, par rapport à PNL, c'est bien c'est meilleur. Pour moi, bien que PNL. Merci. Bien sûr. C'est déjà, pour moi, c'est une victoire que déjà t'entends dire ça. Donc voilà, donc première info festival pour le coup, plus que cérémonie, c'est le choix toujours très attendu du président du jury du Festival de Cannes, qui s'ouvrira le 17 mai prochain. Et donc le président de ce 70e Festival de Cannes sera Pedro Almodovar, qui succède donc, si mes souvenirs sont bons, à George Miller. C'était lui, je sais plus si c'était il y a 2 ans ou 1 an, des fois je mélange un peu les dates. Je suis étonné, ça me semble si tardif pour Pedro Almodovar. Qu'il n'ait jamais été président. Jamais été, c'est vrai. Ah, il a déjà été dans le jury, je crois, en 92, ouais. Notamment, je crois, avec Depardieu. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, un lot de consolation pour un réalisateur qui est très présent à Cannes. Hein. Ses films sont pratiquement chaque année. Sauf qu'il n'a jamais obtenu la Palme d'Or. Alors on se souvient, il avait eu, je crois, il y avait eu un prix pour, notamment à l'époque de Bolver, pour le quatuor d'actrice qui avait tout obtenu le prix. Mais lui, alors il a peut-être eu une fois un prix du jury ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours un peu le grand absent des Palmes, alors qu'il y est quand même très souvent. Donc voilà, Almodovar, c'est 67 ans. Et 20 films au compteur. Il a donc, comme je disais, il a souvent présenté ses films à Cannes et il a déclaré : je suis très heureux de fêter le 70e anniversaire du Festival de Cannes dans cette fonction si privilégiée. Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac. Être président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer à cette tâche qui est à la fois un plaisir et un privilège. Donc, comme je le disais, il était déjà présent dans le jury en 92. Voilà, c'est un habitué de la compétition. Justement, voilà, je m'étais noté ce qu'il avait eu comme prix. Il a eu le prix de la mise en scène pour Tout sur ma mère en 99, okay. Du scénario et de l'interprétation féminine collective pour Volver, et c'est tout. Ah ouais, voilà. Oh purée, ouais, d'accord. Je suis choqué là. Ouais, quand même. Ah, je m'attendais à une liste là. Je pensais un prix de la mise en scène, un prix, prix du scénario. Attends, c'est nul. Là, il avait présenté, je crois que c'était l'année dernière, Rulieta qui avait rien eu, pourtant qui était plutôt intéressant. Voilà, toutes les années ça lui a un peu échappé. Si tu veux, tu feras les Césars après. Ouais, ok, parfait. Du coup, écoute, on va passer la parole à Dim, si Dim ça te va. Je crois que toi, tu vas aussi parler de séries, il me semble, dans tes quelques news que je vois notées sur mes yeux. Et notamment une série que toi, tu suis depuis longtemps et que, j'avoue, à laquelle je n'ai jamais accroché. C'est Doctor Who, sur laquelle tu veux faire un point. Exactement, voilà, le point Star Wars. J'ai même fait une fois un point Star Trek. Donc, point Doctor Who, comme ça, il n'y a pas de jaloux. une news que je fais vraiment, peut-être juste pour moi, parce que comme tu disais Greg, toi tu n'aimes pas forcément, je pense que Julien et Yao, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent non plus trop. Je ne connais pas trop moi, non, vraiment. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, si je continue ce type de news ou pas. Il y a des fans de Doctor Who. S'il y a des fans du Docteur. Ah, quand même. Je crois. Donc, j'avais déjà évoqué il y a pratiquement déjà un an le départ du showrunner Stephen Moffat pour laisser la place à Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch. Donc, les fans dont moi se demandaient si Peter Capaldi, le 12e ou 13e docteur, ça dépend des théories, allait rester ou partir, ou bien. Ça dépend des théories. Vous n'êtes pas capable de dire s'il y a un 13e ou un 12e docteur, quoi. Je t'expliquerai un de ces quatre. Ça marche. Enfin, en tout cas, on a la réponse. Il partira à la fin de cette saison pour le traditionnel épisode de Noël. Donc, pour ma part, je suis pas mal dégoûté car Capaldi est un acteur que je trouve vraiment talentueux, qui malheureusement ne déroge pas à la règle d'un docteur pour 3 saisons. En plus, le potentiel de l'acteur a été gâché au début où il a pris le rôle avec une saison particulièrement nulle où on avait l'impression que les auteurs de la série ne savaient pas trop quoi faire avec lui. Et ont seulement réussi à bien écrire son rôle pour la saison suivante. Bref, c'est là qu'on peut voir toute la popularité de la série aussi en Angleterre, car je vois énormément d'articles pour savoir quel acteur va reprendre le rôle. Alors, on parle pas mal de Richard Oyad, c'est un des personnages principaux de IT Crowd, même de Idris Elba ou de Daniel Radcliffe. Idris Elba, c'est un bon choix, ça. Daniel Radcliffe, putain. Et même Eddie Redmayne aussi, celui qui jouait dans... Non, pas lui. Il joue trop mal, lui. Ah putain, c'est pas possible, c'était pas lui. Le film des Wachowski, c'était horrible. Oh là là. Il a même fait une vidéo avec Peter Capaldi, le docteur actuel, une espèce de gag, comme quoi il allait reprendre le rôle et tout, il y a quelques temps. Mais le mec, Capaldi, il a pas dit qu'il voulait que ce soit une femme qui reprenne le rôle, là, dernièrement. J'ai cru lire un truc comme ça. Bah justement, tu me coupes l'herbe sous le pied, je vais en parler. Putain, je m'y connais en Docteur Who. Un truc de fou. Mais bon, le préféré des fans, pour l'instant, ça reste quand même Ben Whishaw, qu'on a pu voir dans les derniers James Bond, celui qui avait le rôle de Q. Et moi, j'avoue que ça me plaît plutôt pas mal. Bon, même si je préférais avoir un inconnu, ça serait toujours plus sympa. Mais voilà, comme tu disais, Peter Capaldi, lui, il préférait que ça soit une femme qui lui succède. Et l'idée, en règle générale, aussi, plaît aussi quand même aux fans. Et alors là, pareil, ça fait pas mal de spéculations sur des noms. Alors, par exemple, Helena Bonham Carter, Ellie Atwell, celle qui jouait l'agent Carter dans les séries Marvel. Et lui, Peter Capaldi, verrait bien France Delatour ou encore Olivia Colman qui joue justement dans Broadchurch et qui a aussi fait un épisode de Doctor Who. Mais bon, enfin, en même temps, quasi tous les acteurs anglais ont joué dans Doctor Who. C'est clair. Mais ouais. C'est possible qu'une femme soit Doctor Who. Enfin, moi, je connais pas la série, mais c'est une race extraterrestre. Dès qu'il meurt, en fait, il se réincarne, ce qui est plutôt pratique pour changer les acteurs quand ils en ont marre de tourner. Ah oui, d'accord. Et en fait, la race, c'est les Seigneurs du Temps. Il y a déjà eu des Seigneurs du Temps qui sont réincarnés en femmes. Donc voilà, ça pose pas de problème. Aucun souci. Ouais. Et c'est marrant que les fans soient plutôt parce que vraiment des fois dans des séries les gros fans, tu sais, dès que tu changes un petit truc, c'est pas ils sont pas très progressistes quoi. C'est clair. Tu vois, donc tu te dis bon, ah, une femme, femme. Doctor Who, ça a toujours été une série, je trouve, un peu en avance sur son temps, sur pas mal d'idées. Je crois que c'est une des premières séries de science-fiction où il y a eu des personnages gays, des personnages de couleur. Enfin, donc, c'est pour ça que je pense que les fans sont assez ouverts d'esprit. Ça gênerait absolument pas qu'il y ait une femme en tant que docteur, quoi. Et d'ailleurs, t'as découvert à partir de quelle saison ? Je suis curieux de savoir comment les gens ont accroché le wagon de cette série, parce qu'elle est assez vieille, non ? Ouais, elle date de 1963, c'est la plus vieille série de SF. Mais moi, je m'en suis un peu intéressé, on va dire, à partir du moment où il y a eu un renouveau de la série en 2005. Où j'en entendais pas mal parler, et j'avais fait un voyage en Angleterre où c'était juste la folie, je voyais des trucs Doctor Who partout, et ça m'intriguait vraiment. Donc en rentrant, j'ai commencé à regarder, et puis voilà, ça m'a botté, et depuis, je suis devenu vraiment un gros fan, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est une série tellement installée, mais alors qu'elle est si vieille, c'est hyper dur à prendre. J'ai l'impression que tout le monde était fan de la série, en fait. Bah disons que si on prend par rapport au renouveau qu'il y a eu en 2005, ça va, c'est très facile à suivre parce que même si c'est une suite, il repose les bases de la série, donc on comprend vraiment bien. Après, moi, j'ai déjà essayé de regarder les vieux épisodes. Ouais. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu vieilli, on va dire. D'accord. Mais à partir de 2005, ça se regarde vraiment bien. Et donc, juste pour conclure ce point Doctor Who, une petite pensée pour John Hurt, qui nous a quittés récemment et qui a joué dans quand même pas mal de films, mais qui reste pour les fans de la série le Docteur de la Guerre, le War Doctor. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop endormi avec ma news. Non, bah écoute, ça m'intrigue, hein, je suis comme Yao, hein, ça m'intrigue, hein, Doctor Who, j'ai presque envie d'aimer, bon, chaque fois que j'ai regardé, je... Une question, du coup, ça marche aux États-Unis ou c'est juste Angleterre Alors, en fait, depuis qu'il y a eu Stephen Moffat en tant que showrunner, il y a eu un partenariat avec BBC America, et donc c'est depuis la saison 5, il me semble, où c'est à moitié financé par les États-Unis, et... En fait, aussi, il y a eu un nouveau docteur à ce moment-là, c'est Matt Smith. Et Matt Smith, il était assez populaire aux États-Unis. Là, je sais que depuis que Peter Capaldi a repris le rôle, ça marche un peu moins bien. Mais bon, aussi aux États-Unis, ça commence aussi à percer. Hein. Ah, d'accord. Okay. Donc, bientôt une adaptation au cinéma. ça bientôt un remake en 3D avec Brendan Fraser. Non Brendan Fraser. Ok, ce sera pas mal, hein. Tu vois, il te manque. Tu vois, j'ai le savais. Une petite momie derrière et c'est parti. Hein. Et j'essaierai de vous faire un conseil vraiment pour bien commencer Doctor Who, ouais, à partir de. C'est ça, qu'on comprenne quelque chose à cette théorie du 12e ou du 13e Docteur. En attendant, je te laisse la parole, du coup, Yao, sur une news où tu voulais nous parler des frères Cohen, je crois. Oh, c'est une news vite fait par votre partenaire Allociné qu'ils avaient réalisé le remake du remake de Scarface. Et en fait, j'avais lu cette news parce que apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est sûr, Antoine Foucault, donc le réalisateur de Training Day et, et le sublime La Maison Blanche avec c'est Gérard Butler, je crois, c'est celui-là. Ah, je vois pas du tout. Ouais, bah, Dim, il doit connaître. Parce que... Oui, je connais. Voilà. J'étais voir au ciné, c'est, voilà. C'est abominable. Et donc ouais, non, il a été dégagé. C'est les frères Cohen qui s'attellent à ce remake et je suis assez curieux de voir ce qui. Ouais, c'est étonnant. Ce que ça peut donner vu que c'est, enfin, leur univers est. Les frères Cohen qui font un remake de Scarface, quoi. Donc, ah ouais, voilà, tu me l'apprends. Ouais. Bah c'est. Ah, est-ce qu'ils font un remake de l'original ou un remake du Brian de Palma? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, quand même. Intéressant, en tout cas. Et vous connaissez l'acteur qui va faire Scarface? Vous avez vu c'est qui? Non. C'est Diego Luna, celui qui jouait dans Rogue One récemment. Mmh. Ouais, bon choix. Qui jouait le rôle de, un des rôles principaux. Mmh. Un des rôles principaux, le capitaine Cassian Andor, il me semble. Donc ouais, non, mais je suis curieux de voir ça, vu que les frères Cohen, j'aime bien quand même. Enfin, même si j'aime pas toutes leurs films, mais... Ouais. J'aime bien quand même, tous ceux qu'on n'a pas, les derniers, on n'a pas tous le même point de vue sur ce film. Sur Avessar, ouais. Donc finalement, je suis curieux de voir ce qu'il peut apporter, en fait. Moi, je trouve ça intéressant quand même. On en discutait la dernière fois sur Star Wars, finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner à des réalisateurs qui ont vraiment un univers à eux et qui apporteraient quelque chose de différent? Et je trouve de donner comme ça un remake, alors ça peut vraiment faire un truc particulier, mais est-ce qu'ils vont faire un truc en respectant le matériau d'origine ou alors est-ce qu'ils vont vraiment amener quelque chose de leur univers, tu vois? C'est comme je te disais, par exemple, je sais pas s'il y avait James Bond, à un moment on sait que Tarantino il voulait réaliser, il avait racheté les droits de Casino Royale, comment à un moment les deux univers vont, est-ce qu'ils vont se rentrer dedans et ça va faire un truc qui marche pas du tout, ou au contraire ils vont trouver une espèce d'angle et tout en faisant un film des frères Cohen. Je vois mal les frères Cohen rester neutres, on va dire, dans leur réalisation et dans leur style sur n'importe quel projet, en fait. Ouais. Enfin, tu les reconnaîtras toujours un petit peu, donc Moi je suis curieux, ouais, très curieux, clairement. Bon, en même temps, ils ont quand même souvent mis en scène la violence, hein, donc ouais, c'est dans pas non plus No Country for Old Men, et c'est pas leur premier remake non plus, et c'est pas leur premier remake non plus. Du coup, je reprends la parole sur les séries. Je reprends la parole sur la suite des news séries. Je voulais vous parler un petit peu du retour de Michael C. Hall qui jouait Dexter, hein, le fameux Dexter. Ça fait quand même quelques années maintenant que cette série s'est un peu finie en autre boudin. Pour vous, c'est Dexter, moi, ça sera toujours Six Feet Under. Six Feet Under, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai que ça dépend à quel moment on a connu Michael C. Hall. Hein. Moi, c'est vrai que je l'ai plus connu avec Dexter qu'avec Six Feet Under, parce que je n'avais pas trop accroché avec Six Feet Under, j'avoue. En tout cas, le voilà de retour dans une série, retour à la télévision enfin, parce que c'est vrai qu'après Dexter, ça fait quand même 3 ans qu'il faisait plus grand chose. Il était malade aussi. Il était malade aussi. Je sais pas si il avait joué un méchant dans un film de Gérard Butler. Oui, ce que j'allais dire, justement, je pensais à Tim. C'était un gamer sur les gamers. C'est une merde. Ah, pour le point merde, hein, vous demandez à Tim. Il les a vus au cinéma et il les a tous vus. En tout cas, là, donc il va revenir en fait dans un rôle secondaire, a priori, puisqu'il va revenir dans The Crown. Il va arriver dans la deuxième saison de la série de Netflix qui a extrêmement bien marché. Et il va revenir sous les traits de l'ex-président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, hein, donc voilà, et la ressemblance physique, à vous de la juger ou pas, je ne commenterai pas. Donc en tout cas, moi je suis assez curieux de voir ça. J'ai pas suivi la saison 1 de The Crown, ma femme l'a suivi, et apparemment c'était c'est quoi, vraiment c'est une... sur la reine d'Angleterre. Ouais, c'est ça, dans ses jeunes années, c'est apparemment une très très bonne série. C'est vrai que déjà formellement, on va dire que c'est juste magnifique à regarder. Donc là, ça va être un conflit intéressant à suivre, en tout cas des relations intéressantes à suivre entre Michael C. Hall, qui est quand même un très bon acteur, et puis bon, JFK versus The Queen, à voir, C'est une série anglaise, c'est une série américaine. Ouais, c'est une série anglaise, principalement anglaise, et bien produite aussi par Netflix US, donc un petit peu pareil avec une production binationale. Donc en tout cas, là ça va se passer, donc la deuxième saison plutôt dans les années 60, hein. Il sera pas tout seul à être le nouveau dans la série, forcément, on va aussi voir Jackie Kennedy qui sera interprété par Jodie Balfour, et on va suivre ça de près, hein. Donc pour la deuxième saison de The Crown et le retour de Michael C. Hall à la télévision. Je voulais parler également d'un nouveau projet de série que je trouve assez enthousiasmant, hein, qui s'appelle Too Old to Die Young, qui est le nouveau projet de série de Nicholas Winding Refn, hein, donc le réalisateur de Drive, de The Neon Démon, entre autres. Donc le réalisateur danois qui va coécrire, tourner et produire cette série, hein, donc Too Old to Die Young pour Amazon Prime cette fois-ci. Donc encore une fois, hein, les producteurs de séries type Netflix, Amazon sont dans les bons coups en ce moment, clairement. Une saison qui serait composée de 10 épisodes dont le tournage débutera en automne 2017. Avec Ryan Gosling à tous les coups. On ne sait pas encore. Il n'y a pas le casting encore. Peut-être. Non, c'est pas encore officiel. Il y a des rumeurs. Ryan Gosling est dans les rumeurs, hein, figure-toi. Donc ça serait une série, voilà, de type très très grosse production, puisque effectivement on a déjà un gros nom à la réalisation. Et en plus, l'ambition, c'est quand même de faire quelque chose à la The Wire, hein, donc qu'en termes de référence. Ah ouais. Pas de ouais okay. Non, non, il veut explorer les dessous du grand banditisme et en même temps, il veut rester quand même dans sa logique des films, notamment dans sa trilogie Pusher, puisqu'il a l'ambition de réutiliser aussi certaines choses qu'il a fait dans certains de ses films aussi plus récents, notamment dans Only God Forgives. Il l'a vu celui-là d'ailleurs ? Moi, je l'ai pas vu. Dim, je crois que l'a vu. Non, pas encore. Je l'ai vu. Ouais, mais je l'ai vu, ouais. Et ouais, bah écoute, c'est encore vraiment particulier, on va dire. Enfin, comme on va dire à la star de ses derniers films, un peu un rythme lent et tout, mais visuellement, ça envoie vraiment du très très lourd et. Ça le mérite quand même d'être vu, on va dire. Bah voilà, en tout cas, il va reprendre un peu certaines idées, notamment peut-être des samouraïs hein, dans cette série. Oh, voilà, c'est bon, c'est vendu. Ça. Donc, à suivre, hein, ça va être certainement très très sombre tout ça. On sait que Ed Brubaker, qui a notamment travaillé sur Westworld, viendra également justement aider Refn, notamment pour le scénario. Voilà, hein, il a aussi travaillé sur des comics chez Marvel et chez DC. Donc, on n'a pas encore, comme tu le disais, Julien, le casting de la série, mais effectivement, Ryan Gosling, peut-être, hein, les noms tournent, hein, Ryan Gosling, on entend des noms parler de Keanu Reeves, de choses comme ça, donc on va suivre ça de près. Dernier projet série, et j'ai failli le mettre dans mon point projet risqué que je vais faire juste après, c'est Castlevania. Castlevania, Netflix a annoncé qu'ils allaient faire une série, une de leurs nouvelles séries va se baser sur la licence créée par Konami dans les années 80. Hein, donc là, j'avoue que je suis un peu plus perplexe sur ce projet-là. Et tu viens de voler une news à Julien, il me semble. Je ne savais pas, je n'avais pas vu. C'est pas grave, bon. Bah, Julien, si tu as quelque chose à compléter, je t'en prie, parce que moi, j'avoue que ça m'a laissé un peu bouche bée. Donc apparemment, c'est 4 épisodes de 30 minutes. Ouais. C'est live, c'est live. Voilà. Comment ? Ce sera du live ou un Ah non, c'est de l'animation. C'est de l'animation qui racontera en fait les aventures du dernier survivant du clan Belmont et donc de sa lutte contre Dracula. T'es sûr que c'était de l'animation ? Parce que ah oui, c'est de l'animation. Ah d'accord, ok. Parce que dans les sources que j'avais lues, moi, ils disaient que c'était pas sûr encore. Ah ouais, non, ouais. C'est sûr. Ah ok, bah, tant mieux. Et la série elle est écrite par Warren Ellis, hein, qui est bien connu pour son travail chez DC et chez Marvel. Donc voilà, c'est étonnant parce que, enfin, moi ce que je trouve étonnant, c'est que Castlevania, c'est une série, enfin c'est un jeu vidéo qui est plus tellement utilisé. On a eu, il y avait Lord of Shadow 1 et 2 qui étaient faits par. Ouais, sachant qu'il y avait déjà des dessins animés, c'est des années 80. Mais je veux dire, c'est pas une licence très porteuse, quoi, tu vois. Mais après, c'est le producteur, c'est. C'est Adi Shankar. Ouais. C'est Avi Arad ou un truc comme ça. Adi Shankar. Et Shankar, en fait, lui, il est assez pro pour déterrer des vieilles licences. C'était lui qui avait fait aussi un. Sur les Power Rangers. Le court-métrage ultra violent sur les Power Rangers. C'est lui. Et justement, il a aussi prévu, le lendemain de sa news sur Castlevania, il a aussi déclaré qu'il allait faire une série pareille, le même format, en animation et en 4 épisodes, justement sur les Power Rangers, un truc aussi assez violent et tout. Et mais du coup, pour revenir à Castlevania, ce sera ça sera développé avec des Japonais ou c'est purement. Alors, je sais pas, on sait pas du tout. C'est pas encore, non. Vu que c'est. Alors, ça a l'air d'être plutôt américanisé, hein, puisque on disait c'était Warren Ellis qui créait les scénarios. Je crois pas qu'ils ont précisé encore le studio d'animation. Non, il y a pas encore beaucoup de. Je vais tenir à voir quand même la qualité. Enfin, si c'est purement américain. En tout cas, c'est quand même un projet. C'est quand même un projet audacieux, hein, je trouve. Hein, putain. Ouais. Après, c'est que 2 heures de film d'animation. Hein, ouais, non plus. Il y a moyen de se planter hein, sur ce genre de sujet. Vous l'aviez vu le court métrage Power Ranger ? Ouais. Non. Moi, j'avais trouvé ça marrant quand même. Enfin, bon, c'était sympa, mais sans plus quoi. Après, oui, c'était sympa sans plus. Polémique parce que ça respectait pas l'œuvre d'origine, c'était trop violent par rapport à. Enfin, sur le net, hein. Par rapport à la série, quoi. C'était vraiment. C'était avec James Van Der Beek, c'est ça ? Ouais, et Katie Sackhoff qui jouait dans Battlestar Galactica. Ah, j'adore cette actrice. Elle est géniale. Ouais, esthétiquement, c'était bien, mais moi, je trouvais ça sans plus. J'avais entendu une grosse hype au niveau visuel et tout ça, et. Ouais, c'était sympa, mais ça. Bon, en tout cas, c'est bien, ils tentent des trucs. Hein. Ouais, après, c'était fait avec de Francis Sou. Hein. C'était vraiment un truc limite amateur. Hein. Bah, ça sera toujours mieux que le trailer. Bon, du coup, comme je t'ai piqué ta news, Julien, je vais te repasser la parole en m'excusant platement. Non, non, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment désolé. J'avais pas grand-chose à dire de plus, hein, comme tu vois. Ça faisait 4 lignes. Hein. Ouf. Non, je te laisse reprendre la parole. Il me semble qu'on n'avait pas tout à fait terminé sur le point cérémonie. Oui, puisque les deux grosses cérémonies qui vont venir fin février, donc c'est d'abord les Césars en France. Donc cette fois, ce ne sera pas au théâtre du Châtelet. Ah bon ? Non, je crois qu'ils ont mis ça un peu dans le nord de Paris. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Je ne sais plus où c'est, mais j'ai vu ça. j'ai vu que c'était plus au Théâtre du Châtelet. Donc, pas de Roman Polanski, hein, puisque vous avez peut-être suivi la polémique. Voilà, il s'est retiré, si je puis me permettre. C'était pas du tout. Je m'en suis aperçu en le disant. Vraiment. Voilà, suite à la polémique. Mais on a quand même une cérémonie. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si le président a été désigné le nouveau président. Je sais qu'il y avait eu une espèce de flottement suite au désistement de Polanski. Et depuis, j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas vu passer la news comme quoi il y avait un nouveau président. Mais c'est bientôt les cérémonies. Bah oui, c'est bientôt. C'est fin du mois. Ça va être le 26 ou le 27. Ouais, il faudra peut-être qu'ils en trouvent un, mais apparemment, c'est un peu compliqué. Donc, il y a deux favoris, hein, puisque Elle de Paul Verhoeven, qui est considéré comme un film français, hein. C'est toujours le principe des... on se souvient l'année dernière de Mustang, qui est un film réalisé par une réalisatrice turque, et finalement qui était sous, avec des capitaux français. Alors c'est toujours assez compliqué de savoir si c'est un film. Là, pour Paul Verhoeven, il l'a tourné en France, avec des capitaux français. Donc Elle et France, le film de François Ozon, qui totalise 11 nominations chacun. Donc les deux grands favoris suivent Malout de Bruno Dumont, dont Stan nous avait parlé, nous avait dit le plus grand bien, je crois, à l'époque. Oui, il me semble qu'il avait beaucoup aimé. Ouais. Donc, il a eu 9 nominations, c'est cool ça. Ouais, 9 nominations pour Malout. Mal de Pierre de Nicole Garcia, qui n'avait pas eu un très bon accueil, à 7 nominations. Et Divine, qui est un peu le gros outsider pour le doublé meilleur film, meilleur premier film, de Ounia Benyamina. Alors, bref, je ne sais pas s'il y a des catégories qui vous intéressent plus particulièrement. Je pense que Isabelle Huppert, elle est nommée pour la meilleure actrice. Alors, ouais, tout à fait. Pour elle est même favorite. Alors, elle est aussi même pour les Oscars, on en parle aussi. Il y a aussi Virginie Efira qui est pas mal nommée. Victoria qui a pas mal de nominations. Je vote pour elle. Bon, après, voilà, comme je disais, dans les meilleurs films, c'est du classique. Hein. Forcément, il y a Divine, il y a Elle, il y a France, Les Innocentes, de Anne Fontaine, Malout, Mal de Pierre et Victoria. Alors, après, je sais pas sur les acteurs, forcément. Hein, c'est tous les films qui sont nommés, forcément, ils nomment aussi les acteurs. Les films de Dolan. Alors ouais, Dolan c'est assez marrant parce que par exemple tu vois il est pas nommé dans meilleur film mais il est nommé dans meilleur réalisateur. D'accord. Voilà. Et après il y a pas mal, notamment beaucoup de, je pense qu'il aura surtout des prix peut-être pour les seconds rôles vu que c'est un film choral. Est-ce que Marcy est nommé cette année? Je crois qu'il est nommé dans pour Chocolat. Pour meilleur acteur. Ah, waouh! Je suis étonné que Chocolat n'ait pas eu plus de. Il n'a pas eu tellement de nominations. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est meilleur film étranger. Donc, il y a Aquarius, Baccalauréat. Donc, ça, c'était le film du Roumain qui avait fait 4 jours, 3 nuits, je ne sais plus. 3 semaines et un chien, là. La fille inconnue, ça, c'était pas le film des frères Dardenne, c'est ça? Ouais. Tony Ederman, qui est quand même, je pense, le favori. Manchester by the Sea. Moi, Daniel Blake, donc le film de Ken Loach. Et Juste la fin du monde de Dolan. Alors, c'est marrant parce qu'il est dans les meilleurs films étrangers. Et en même temps, il est nommé. Mais dans y a des gros films là quand même dans la compétition, c'est pas toujours très clair. Ouais, il y a une bonne compétition. Meilleur long métrage d'animation, il y a La Jeune Fille sans main, donc je vois pas ce que c'est. Entendu parler, Ma Vie de Courgette, hein, dont on a parlé, c'est pas mal aussi, c'est trop et bien. La Tortue Rouge que Yao n'a pas du tout aimé. C'est pas que j'ai pas aimé, j'étais mitigé. Il est sorti, il m'a dit jamais je ne reverrai ce film, et finalement il l'a revu. Je suis étonné, il y a pas de La Vengeance de Julien, il y a pas de The Topic. Non, c'est des films français. Là. C'est films français. Ah, là, pardon, ouais. Pour les films. Et d'ailleurs, je vais passer aux Oscars. On va tout de suite enchaîner sur. Je précise avant qu'il n'y aura pas de président pour la cérémonie des Césars. Ah, il n'y aura pas de président. C'est sans président du coup. D'accord, il y aura juste. Pas remplacé. Ils vont juste faire un maître de cérémonie. Une chaise vide et il y a Clint Eastwood qui va lui venir lui parler pendant tout. C'est la première fois que ça arrive, ça. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, il me semble. Et qui c'est qui va animer la soirée du coup? On l'avait dit, je ne sais plus qui c'est. On avait fait une news. Oui, t'avais fait une news, ouais. Non, je ne sais plus. Et une autre question, du coup, il n'y a pas de comédie pour César, c'est mort, il n'y a pas de catégorie ou... Malout, c'est quand même une comédie. Ouais. Hein. Ouais. Après, bon, c'est un peu décalé, mais... Comme d'hab, il n'y a jamais... Les Oscars, pour enchaîner rapidement. La 89e cérémonie des Oscars avec, forcément, le grand favori. Donc, peut-être qu'on en parlera dans les conseils, je ne sais pas, je ne crois pas. La La Land de Damien Chazelle, qui a 14 nominations, donc qui égale le record de Titanic de Cameron et de Dev de Mankiewicz. Et il dépasse même... dans le style comédie musicale, West Side Story, qui avait eu 11 nominations. Donc en fait, il peut prétendre à ce qu'on appelle là-bas le Big Five, c'est-à-dire meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Et il faut savoir qu'il n'y a que 3 films dans l'histoire qui ont déjà réussi ce Big Five. Alors en fait, finalement, ce n'est pas des films... Cléopâtre. Alors non, il n'y a pas Cléopâtre, mais c'est pas des films, c'est des films assez importants, mais pas si révérés que ça dans l'histoire du... Seigneur des Anneaux, peut-être. Non, il a dû avoir beaucoup de... Il en a eu 11 des Oscars. Mais déjà, il rafle tout ce qui est technique. Ouais, technique, ouais. Non, là, en fait, t'as New York, Miami de Frank Capra, donc moi, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, c'est pas le plus connu de Capra. Vol au-dessus d'un nid de coucou. De Milos Forman et Le silence des agneaux de Jonathan Demme. Ah ouais, okay. Donc tu vois, c'est des bons films, mais c'est pas non plus dans l'histoire du cinéma... des chefs-d'œuvre considérés comme des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Ouais, c'est toujours le principe des Oscars, ça dépend qui est en face, comment ils ont fait les nominations. Donc voilà, il y a aussi un outsider dont on parle beaucoup en ce moment pour contester la suprématie de La La Land, c'est Moonlight, de Barry Jenkins, qui voilà, qui a l'air vraiment taillé pour les Oscars. Et c'est vrai qu'on commence à voir comme ça, on se dit ah, peut-être que La La Land, on en parle tellement de La La Land, on dit tellement voilà, c'est le meilleur film de l'année, donc ça lasse un peu les gens. Donc est-ce qu'il pourrait pas y avoir eu un retour de bâton sur La La Land et que Moonlight raflerait. Surtout qu'il a tout gagné dernièrement à toutes les autres cérémonies dont on parle un peu moins, là, les trucs des, oui. des auteurs, des acteurs, ah, les BAFTA, il a eu tout au Golden Globe, on en parle un peu plus. Alors pour les, après, pour ce qui est des nominations, forcément, un meilleur film, ça fera plaisir. Par exemple, je pense à Dim, il y a le film de Mel Gibson, hein, Tu ne tueras point, qui est nommé dans la catégorie meilleur film. The Arrival, donc je ne sais plus comment il s'appelle en français, le film de Premier Contact, le film de Denis Villeneuve. Voilà, dans les trucs, bon après c'est classique. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est meilleur film d'animation, il y a Kubo et l'armure magique. Ah, ça c'est bien ça. Vaiana, ça ferait ça, c'est un scandale, ça. Ça c'est bizarre. Ma vie de courgette, ouais. qui est nommé. Zootopia, ouais, ça c'est abusé quand même de Disney, les aurait pu, bref. Et la tortue rouge, ouais, voilà. Comme quoi hein. Meilleur film étranger, il y a Tony Ederman, ouais. Mr. Of, alors ça je connais pas du tout. Non plus. Tana, je ne connais pas du tout. Donc le client d'Asghar Farhadi qui se rendra pas aux Oscars suite à ce qui s'est passé avec Trump, voilà, donc il n'ira pas. Et les oubliés de Martin Zandvliet, je ne connais pas du tout. Donc une sélection assez pointue, on va dire, ou alors de films qui ne sont pas forcément sortis. Juste pour revenir sur les films d'animation, ça aurait été bien qu'il y ait Your Name de Makoto Shinkai, ouais, tu vois. Mais c'est pas un film américain. Non, mais bon. Ah, ils peuvent pas le mettre. Toi, tu promotes des choses qui ne peuvent pas rentrer dans les catégories des Oscars. Qu'est-ce que je te dis ? Écoute, si on fait les récompenses au Japon, on le mettra. Hein. Voilà, donc tu vois. Bon, en même temps, ma vie de courgette, je ne sais pas pourquoi. Courgette, c'est pas américain. Ah, peut-être c'est... qu'il y a des fonds américains et qu'il est franco-américain. Je ne sais pas. Ouais. Bonne question. Voilà, donc on verra ça fin février. On fera, je pense par rapport, qu'il y aura une news, on fera un retour autant les victoires de la musique. Quelque part, on s'en foutait un peu. On va pas se mentir. C'est Renault qui a gagné. Mais c'est Renault qui a gagné. J'en sais rien, non, mais je crois en plus que c'est Renault. Oh, sûrement. Non, mais c'est Renault qui a gagné meilleur interprète de l'année. Ouais, il était contre Benjamin Biolay et Vincent Deligne. Contre des mecs. Il y avait des petits messages pour. Je crois que c'est Adama et Théo sur la victoire de la musique sur la scène. Ah oui, il y a eu des trucs, ouais. Non, mais je pense qu'il s'est passé des choses. Ah, sûrement. Je me demande si aux Oscars il y aura un truc par rapport. À Trump, mais je sais pas. Ah si bah oui, ça va voir. Des discours, il y en avoir là, t'inquiète. Je pense que là, oui, ça va être. Ça va déferler. Je vais repasser la parole à Dim. T'avais fini avec le point cérémonie ? Tout à fait. Eh bah, écoute, Dimitri, c'est à toi de nous parler d'un film qui va récolter des Oscars certainement dans quelques années. C'est Terminator 6. Ah ouais, on n'en doute pas pour les Oscars. Mais en même temps, je suis quand même déçu que pour le meilleur film, il n'y a pas Triple X, mais bon, c'est une autre histoire. Donc ouais, c'est une news qui commence déjà un peu à dater, mais quand même une grosse nouvelle selon moi. James Cameron a récupéré les droits de la licence Terminator et il veut offrir aux fans un nouveau et peut-être dernier film. Alors après, évidemment, il n'a pas le temps de le réaliser parce que ça fait des années qu'il est occupé par Avatar. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, c'est 15 films Avatar et en plus je pense que c'est loin d'être fini. Il envisage de confier la réalisation à Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, car je le vois bien à la réelle d'un film comme Terminator, vu que c'est quelqu'un qui vient des effets spéciaux. Et en plus, il avait en tête de réaliser un film live sur Sonic le Hérisson, donc voilà, si on peut éviter le massacre, c'est pas très mal. Je te coupe deux minutes, Dim, parce que tu t'en souviens de Pitoff qui venait des effets spéciaux, qui a réalisé Vidocq et Catwoman, je sais pas. Putain, c'est peut-être les pires films qu'on a vus ensemble, Dim, hein, je crois. Vidocq, ah, c'est tout. Je m'en souviens encore de cette torture au ciné, quoi. C'est vrai, mais lui, il a jamais fait de bons films, alors que Tim Miller, bon, après, c'est pas non plus le film exceptionnel, mais Deadpool, ça se regardait plutôt bien, selon moi. Plus facilement que Vidocq, c'est sûr. C'est pas compliqué. Bon, après, la mauvaise nouvelle, c'est que James Cameron, je sais pas s'il a encore encore quelque chose à foutre de Terminator, à part faire de la thune. On se rappelle encore de la promo de Terminator Genisys où on voyait son nom sur les affiches du film. Ouais. Ce film va vraiment plaire aux fans ou des conneries comme ça. Enfin, ouais, voilà. Mais c'était politique, c'était pour récupérer X6. Ouais, peut-être, peut-être. C'était quand même une grosse bouse, hein, effectivement. Et aussi, voilà, ouais, c'est clair que c'était bien nul. Et aussi, ouais, grande question, est-ce que ça va être une suite, un remake ou un reboot? Et justement, est-ce que ça va prendre en compte le pitoyable Terminator Genisys? on verra bien. Et je manquerai pas de vous refaire une news si j'ai plus de nouvelles d'ici là. Bah écoute, avec plaisir, hein, parce qu'il faut qu'on suive ça de près. C'était tellement mauvais les derniers Terminator que là, il faut reprendre ça en main, je crois. On englobe lesquels, les 4, le 3 et 4 oh, bah ouais. Oh, le 3 et 4, ça allait encore. 3, ça. Ah, 4, 3, il est nul. Plus, le 4, c'est avec Sam. Ah, je m'en souviens plus. Christian Bale, Sam Worthington. Ah, non, il est nul, putain. Ouais. C'est une queue. Ah, je trouve que justement, il y a la tendive. Regardez-moi le. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est comme Deadpool, c'est pas mal. Non, c'est de la merde. Et il tentait de faire autre chose au moins. C'était pas. Ah, c'est vrai. Le 3, c'était le dernier avec Schwarzenegger. Ouais, le 3, c'était avec une meuf robot. Non, c'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Bon, il n'y en a que deux de bien, en gros. Ouais. Au final. C'est pas compliqué, en fait. Pas forcément d'accord. Mais... Oh. Bon, du coup, écoute, j'ai envie de dire, Terminator 6 aurait pu rentrer dans la news que je vais te proposer, puisque je vais vous parler des projets risqués que j'ai pu voir entre nos deux podcasts. Je crois que, Dim, t'en avais suivi aussi certains, hein, donc n'hésite pas à me corriger si je fais des erreurs. C'est notamment de Donnie Darko dont je voulais parler. Donnie Darko 2, en tout cas peut-être 3 même, je ne sais pas comment il va falloir l'appeler. Puisque Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko, qui s'était fait connaître avec ce film, a annoncé entre nos deux podcasts qu'il avait le projet de donner une suite à Donnie Darko, sorti en 2001, et il voudrait faire quelque chose de bien plus gros pour le citer. Donc voilà, hein. C'est vrai que Donnie Darko, c'est quand même un film assez mythique, en tout cas. Ouais, culte. Voilà, c'est culte. Hein. Il a aussi révélé Jake Gyllenhaal à l'époque. Il y avait sa sœur, Maggie Gyllenhaal, qui était également dans le film. Donc un film assez étrange. Hein. Voilà, on va pas récapituler tout le film. Et suite à ça, Richard Kelly avait fait deux autres films. Southland Tales en 2006. Que moi j'aime bien. Ouais, c'est particulier. Mais c'est sympa à regarder. Ouais, qui était très particulier les deux. Southland Tales était encore peut-être plus barré. Ah oui, The Box c'était un peu un retour. The Box c'était pas avec Cameron Diaz. Si, c'était avec Cameron Diaz et James Marsden. Ouais, c'est pas extraordinaire, c'est un peu un retour à la case un peu consensuelle. Exactement. Alors que Southland Tales, c'est j'en vois tout bouler et si vous aimez le cinéma, vous risquez de pas aimer ce film. Il a fait que 3 films en fait. Ouais, il a fait 3 films. Ouais, donc là il revient. Depuis The Box et Southland Tales, tellement fait des bides qu'il a trop du mal à trouver du financement. Il n'arrive plus à revenir, ouais. Clairement, et il aimerait du coup donner une suite à Donnie Darko. Alors peut-être que c'est un peu le projet facile pour revenir sur le devant de la scène, hein, clairement, parce que c'est vrai qu'on l'attend. Hein. Bah, il y avait eu La Sœur de Donnie Darko, un film là-dessus, là, qui était une grosse daube. J'avais complètement oublié ce truc. La Sœur de Donnie Darko. Ouais, parce que tu sais, il a une petite sœur, et à la fin, genre, bah, voilà, il y a une suite où genre, c'est elle qui a les mêmes pouvoirs, entre guillemets, que Donnie Darko, etc. Enfin bon, voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait d'autres projets en cours, donc il a envie de faire ça, mais il a d'autres projets en cours. Il va réaliser au moins un autre long métrage avant de revenir à l'univers de Donnie Darko, donc on n'est pas pressé, mais j'essaierai de suivre ça pour vous donner des news. J'aurais bien vu faire une série. Peut-être, ouais. C'est vrai. En tout cas, il a des idées, ce mec, hein. Il est assez spécial, donc on va suivre ça. Dans genre film spécial aussi, c'est peut-être un film que certains ont vu d'entre vous, c'est Le Cobaye, un film avec Stan. Je sais que Stan, s'il nous écoute, l'aura vu, hein, puisque c'est un film qu'on regardait quand on était plus jeune. Ouais, la fameuse réalité virtuelle. Voilà, ouais, exactement. Hein, c'est un film qui se passe dans la réalité virtuelle. C'est réalisé par Brett Leonard. C'est un film qui est sorti en 1992. Et donc, c'est surtout du jeu vidéo. C'est un mec qui est un peu simple d'esprit et qui se retrouve à essayer un casque de réalité virtuelle qu'a conçu son voisin scientifique et qui devient un peu hyper intelligent grâce à ça, qui développe des pouvoirs parapsychologiques. Voilà, tout ça c'est basé sur une nouvelle de Stephen King, hein, plutôt de loin, en général même, hein, puisque Stephen King a fait un procès à New Line à la fin de quand ils ont fait ce film, hein, puisque c'était tellement loin de sa nouvelle qu'il leur a foutu un petit procès. En tout cas, c'est pas terminé pour Le Cobaye, hein, qui s'appelle donc en fait Le Tondeur de pelouse, hein, en version officielle, hein, en version originale, c'est The Lawnmower Man. Et donc la version ciné de The Lawnmower Man est sur le point d'obtenir une deuxième chance, hein, puisqu'il va être développé comme une série en réalité virtuelle. Eh bah oui, boucle est bouclée. Donc là, si vous avez envie de vomir, je pense que c'est le projet à suivre, hein, dans le genre projet risqué. Julien pourra la regarder sur le PSVR. Ouais, carrément. Hein. Voilà, on aura au moins un spectateur en France pour Le Cobaye. Sachant que Julien, depuis qu'il a le PSVR, il est beaucoup plus intelligent. Là. Il a déjà fait 5 thèses. Hein. C'est clair. Ah, tu vois, il s'est ravisé sur la Switch, à mon avis. Voilà. C'est un signe d'intelligence. Je n'écoute plus PNL. Il est beaucoup plus intelligent. Il peut beaucoup plus évoluer. Et puis, bon, bah, dernier projet risqué que je voulais mentionner, que j'ai pu repérer, c'est un peu plus récent, c'est entre nos deux podcasts, mais c'est il n'y a pas très longtemps, c'est Dune. Hein, on le savait, on le suivait. On en avait même déjà parlé. Il y avait des rumeurs, hein, qui disaient qu'éventuellement, on allait refaire un remake de Dune, qu'on allait réadapter plutôt Dune. Et effectivement, bah, ça a été confirmé là récemment. C'est donc Denis Villeneuve qui va réaliser exactement encore. ce challenge, hein, on peut donc le dire. Il enchaîne après Blade Runner. Et voilà, exactement. Il fait Blade Runner 2049. Alors, il a fait Contact, enfin, premier Contact, là, il y a Rivals. Il fait Blade Runner 2049. Il va donc faire ensuite Dune. Donc, il fait sa trilogie science-fiction. J'ai quand même envie de le. Je l'ai quand même rangé dans les projets risqués, hein, même c'est intéressant. C'est casse-gueule, hein. Enfin, le projet, surtout. Ça aurait été plus risqué avec Charles Villeneuve. Le mec de TF1, c'est de TF1. On va laisser une minute à cette blague. Le temps qu'elle s'imprègne chez vous. Et ça a vraiment été un projet risqué là. Voir casse-gueule. Quoi, le casque pèse vert, ça fait pas que du bien. T'as vu, en fait, ça rend complètement con. Bah, c'est sûr que Denis Villeneuve, là, il passe après Jodorowsky et David Lynch. Hein, donc, après, il faut voir ce que ça va déjà donner Blade Runner. Ouais, parce que là, il y en a quand même deux qui se sont plantés et pas des moindres. Et j'ai envie de dire, bon, Denis Villeneuve, il est doué, hein. Est-ce que c'est un génie au point de réussir à adapter Dune qui est réputé comme inadaptable? Bah, on verra, et là c'est officiel, donc il ne peut plus trop se planter. Donc à mon avis, on aura la réponse en 2020, 2021, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si le podcast existera encore à ce moment-là, mais en tout cas, clairement un projet risqué pour Denis Villeneuve de ce côté-là. Julien, je te repasse la parole. Oui, écoute, fais la news qui te plaît, celle que tu as envie de faire. Je vois qu'il t'en reste deux. Oui, je vais faire un petit point Trump. Allez. Donc en fait, suite à l'élection de Donald Trump, on avait fait un débat sur les conséquences que ça pourrait avoir sur le divertissement en général, hein, et sur Hollywood plus particulièrement. On avait dit justement que Hollywood était quand même plutôt acquis à la cause des démocrates. Et voilà, on s'était interrogé sur les conséquences que ça pouvait avoir sur la façon de faire des films, des disques ou des livres, et finalement sur les implications des artistes anti-Trump et sur les choix de toute une économie. On s'était demandé par exemple, est-ce que certains films engagés contre Trump seraient très difficiles à monter financièrement. On avait notamment aussi parlé de Niro. Est-ce que De Niro, il serait personnel à Hollywood, vu qu'il avait fait quand même, je pense, parmi les déclarations les plus anti-Trump avant l'élection. Donc lui, c'était avant. Hein. Il s'était dit, bon, il n'a aucune chance de passer, je vais tout de suite le descendre. Depuis, je ne sais pas s'il en a fait d'autres. Alors voilà, on n'a pas été déçus, puisque énormément d'artistes ont pris position contre Trump, à la fois à titre individuel et lors d'événements, de cérémonies, récompenses de prix. On a vu beaucoup de déclarations anti-Trump. On a même eu le happening artistique de Shia LaBeouf, voilà, qui appelle l'Amérique à ne pas se laisser diviser. Donc on a vu cette caméra qui tourne H24, avec son arrestation aussi très médiatisée quand il s'est fait arrêter par les policiers suite à une altercation avec, je crois, un néo-nazi, des choses qu'on va tourner. Mais enfin, c'était quand même quelque chose d'assez intéressant qu'il avait mis en place. Et là, j'ai relevé en fait deux news qui m'ont interpellé. Donc la première, elle est anti-Trump. Alors si je vous dis FDT, est-ce que ça vous dit quelque chose? FDT. Non, c'est les cousins de PNL ou... Pas loin, pas loin. Pas loin, parce qu'en fait, FDT, c'est le nom d'un morceau... Trump, de Snoop Dogg, non ? Alors non, c'est Fuck Donald Trump. Donc c'est le nom d'un morceau de deux rappeurs qui s'appellent IG et Nipsey Hussle. Grandmaster Big B. Voilà, donc personnellement, je ne connais pas ces deux rappeurs. Et en fait, des activistes anti-Trump ont piraté des radios américaines en Caroline du Sud, dans le Tennessee, dans l'Indiana, dans le Kentucky et au Texas, donc plutôt des fiefs de Trump, on va dire. Pas trop des démocrates là-bas. Pour remplacer en fait le flot de chansons rock et country par la diffusion en boucle du fameux morceau FDT. Donc par exemple, il y a la station Sony 107.9. Je vais pas vous le dire en anglais, mais voilà, en français ça passera très bien. Le titre a été diffusé pendant 15 minutes, obligeant le président de la radio à présenter ses excuses sur Facebook. Et donc, à contrario, il y a certaines radios qui sont ouvertement anti-Trump, qui ont bien accueilli cette manœuvre pirate. Par exemple, la radio hip-hop Oui 96.3 de Portland a diffusé donc le morceau FDP une heure par jour toute la semaine d'investiture de Trump. Et il y a même une radio pirate de Seattle qui a diffusé le morceau en continu pendant toute la semaine d'investiture. Donc voilà, bon, c'est des petites radios pirates, mais c'était marrant de voir que certains activistes avaient piraté les radios pour passer ce morceau en boucle et voilà, faire acte d'activisme. La seconde news, elle tranche un peu, je trouve, entre les pros et les anti-Trump. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. C'est une déclaration de Matthew McConaughey. Donc, il n'a pas vraiment apporté son soutien, ni un soutien appuyé à Donald Trump. Hein. On ne savait pas si... on avait fait un peu le camp des gens qui étaient pro-Trump, enfin des acteurs, surtout des acteurs qui étaient pro-Trump et ceux qui étaient anti-Trump, enfin les artistes en général. On avait vu qu'il y avait... beaucoup de monde du côté de Trump. Ah, il y avait quand même. Il y avait du Steven Seagal, du Bruce Willis, enfin un peu l'ancienne garde de mec America Great Again, hein. C'est ça. Mec cinéma Great Again avec des bons films d'action et des Mec cinéma Great Again. Mec ciné Great Again. Et donc en fait là c'est Matthew McConaughey, donc lui on savait pas trop sa position, et donc il a déclaré c'est notre président, cette période d'inauguration a été très dynamique et a aussi beaucoup divisé le pays, en même temps c'est le moment pour nous de nous réunir, de faire la paix concernant cette élection et d'être constructif avec lui pendant les 4 années à venir. Donc voilà, plutôt qu'un appel à l'indivision comme on a vu notamment avec Shia LaBeouf, enfin qui disait qu'il fallait rester groupé, là c'est presque un appel à l'union autour du président et de la fonction présidentielle qu'a lancé Matthew McConaughey. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça la démocratie? C'est une fois que les gens, la majorité, alors là aux États-Unis de la majorité, on peut en discuter, elle est relative, mais donc, voilà, que les États majoritaires ont choisi le président, est-ce que finalement l'idée c'est pas d'être tous derrière lui pendant 4 ans? C'est un autre débat, même si on peut considérer que les deux premières semaines de Trump n'ont pas vraiment donné envie d'être derrière lui. J'ai envie de dire que c'est quand même dans 2 semaines, bon, il a fait beaucoup de choses. C'était pas exceptionnel pour le moment. Mais finalement, c'est peut-être ça la démocratie, comme on dit, le moins pire des systèmes, des systèmes politiques. Ouais. Et finalement, ça serait peut-être ça. Donc j'ai trouvé que cette déclaration allait trancher un peu avec. Il est bien philosophe, je trouve, Matthew McConaughey. Ouais, voilà. Pour ce coup, c'est clair qu'il est loin de Shia LaBeouf qui est en train de hurler devant une caméra. Mais il est également intéressant. Je crois qu'il est dérangé depuis très longtemps. Je pense qu'il est pas tout à fait net maintenant. Ouais, mais bon. Il est assez génial quand même. Ah, il est assez génial. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant ce qu'il faisait là pour le coup. Du coup, Dim, je te repasse la parole sur des suites, des numéros 2 de choses. Je te laisse nous expliquer de quoi tu vas nous parler. Ouais, donc je vais déjà commencer avec Godzilla 2, très rapide. Parce que je sais que chez Upcast, on guette toutes les news à propos du Monsterverse du studio Legendary, à savoir King Kong et Godzilla. Et le studio a trouvé un réalisateur pour Godzilla 2. Il s'agit de Michael Dougherty, le réalisateur de Trick or Treat et Krampus. Alors, c'est deux films d'horreur assez sympas, avec un esprit assez proche du Joe Dante de Gremlins, par exemple. Quand Dim dit c'est assez sympa, ça veut dire que c'est vraiment nul en général. Hein. Sur des films d'horreur, sur un film d'horreur, toi, t'es très bon public, je te connais. Quand tu dis ouais, ce film d'horreur, il est assez sympa, ça veut dire qu'il est quand même en général assez moyen, quoi. Franchement, les films, comme je disais, ils ont un peu un esprit la Joe Dante de Gremlins. Enfin, moi, ça me faisait pas mal penser à Gremlins. C'est une bonne citation, alors, ça va. Enfin voilà, un style assez différent de Gareth Edwards, le réalisateur du premier film. Clairement. Et on parlait tout à l'heure de Stranger Things et Eleven. L'actrice qui joue Eleven, Millie Bobby Brown, va rejoindre aussi le casting, alors dans un rôle pour l'instant encore inconnu. Ah. Et le film sortira en mars 2019 et ce sera sûrement une bonne intro pour King Kong versus Godzilla. Ouais, sûrement. On attend ça avec waouh. On est chaud. C'est chez vous, tu vois, les gars. Non, mais par contre, le seul truc, je sais pas, t'as vu l'affiche du King Kong version. Ouais, l'affiche japonaise. L'affiche japonaise, elle est géniale. Avec tous les kaijus et tout, elle claque bien. Et donc là, pour une deuxième suite, je vais parler de Incassable 2. Je vais peut-être briser le cœur de Greg parce que voilà. Tel Alman de verre. C'est un de ses films de super-héros préférés, il me semble. Ouais, c'est vrai. Oh, moi, j'adore aussi. Ouais. En pleine promo pour Split. D'ailleurs, je sais pas si Chaton Pute l'a vu, mais j'aimerais bien avoir son avis vu qu'il nous en a parlé la dernière fois. Ça fait un gros succès aux États-Unis, Split. Hein. Attention, gros succès aux États-Unis. Donc, Shyamalan est de retour avec Split. Mais les retours sont pas mauvais en plus pour Split. Apparemment, on sent bien un peu le comeback de Shyamalan. Ouais. À chaque fois, on dit ça pour ses nouveaux films, mais là, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. C'est bon. Ouais. Donc Shyamalan a déclaré qu'il travaillait dessus et sur Incassable 2 et qu'il y avait de fortes chances que ça soit son prochain film. Alors perso, je trouve ça aussi un peu dommage, s'il y a bien un film super-héroïque qui se suffisait à lui-même, c'était bien celui-là. C'était sans doute son meilleur film. C'est ça le pire, ouais, son meilleur film, c'est clair. Alors, je suis entièrement d'accord. J'ai des gaines, je dirais que c'est La Jeune Fille. Et là, je l'adore, mais bon, il y a très peu de personnes qui l'aiment. Je t'avoue que j'ai peu de souvenirs de ce film, mais j'avais trouvé Incassable 2 vraiment très bien fait et je suis un peu. Tu vois, il est en train de revenir à Shyamalan et il va repartir, quoi. C'est dommage. Du coup, c'est avec le même casting. Ouais, c'est dommage. Je sais pas, mais bon, j'espère pour Bruce Willis, ça serait plutôt cool pour lui, parce que ça le permettra un peu de revenir sur le devant de la scène, parce que là, il a rejoint un peu les acteurs qui font que des directs ou DVD, comme Nicolas Cage ou notre maître à tous, Steven Seagal, donc c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra bien. On verra bien. Julien, je te repasse la parole avec une dernière news de ton côté. Ouais. Sur Scarlett Johansson. Ouais, sur le whitewashing. C'est un sujet qu'on en avait pas parlé. Dont on a beaucoup parlé dans Upcast en 2016. Et un des films qui avait fait polémique, c'est l'adaptation donc, par Hollywood de Ghost in the Shell, qui est basée alors, à la fois sur la version animée de Mamoru Oshii et sur le manga culte de Masamune Shihiro. Et la série aussi, stand-alone. Et la série, d'accord. Ah oui, il y avait le stand-alone. Ils ont un peu tout mixé, hein. c'est un peu à l'américaine. C'est le menu, Big Mac Max Deluxe, ils ont tout mis dedans. Donc voilà, pourquoi c'était controversé, parce qu'il y avait le choix de Scarlett Johansson au casting pour incarner le Major Kusanagi, qui, comme ce nom l'indique, n'est pas vraiment une occidentale. Qui a eu choix très contesté et, par les fans du manga et de l'anime japonais, et accusation de whitewashing à l'encontre de DreamWorks. Alors, on avait eu tout un tas d'excuses, on va dire plus ou moins recevables de la part de la production du film, comme quoi c'était un personnage cyborg, donc ça justifiait le choix d'un visage pas forcément japonais. Ça, c'était une des premières justifications. Dernièrement, le producteur du film, Stephen Paul, a déclaré qu'il ne voyait pas le manga comme une histoire exclusivement japonaise, mais avant tout comme une histoire universelle. Voilà, c'est beau, hein. On dit voilà, c'est universel, donc c'est on n'a pas forcément besoin. Donc on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. La polémique a donc pris de l'ampleur, d'autant qu'aux dernières nouvelles, les producteurs essayaient de faire ajouter des effets numériques qui rendraient les acteurs plus asiatiques. Oh, voilà. Alors, les gars, ils s'enfoncent, quoi. Après, quand tu vois là, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a eu le nouveau trailer qui est sorti. Il y a quand même pas mal d'acteurs aussi. C'est assez international comme casting, on va dire. Ouais, donc il n'y a pas non que... plus que des blancs, hein, ça c'était juste pour dire. Tout ça pour dire qu'on n'avait pas entendu la réponse de Scarlett Johansson sur le sujet, et réponse qu'elle a donnée à un journal très cinéma, Marie Claire. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'était dans Marie Claire, et tout le monde, tous les sites anglais ont repris ça, Marie Claire. Notre nouveau partenaire. Voilà, Marie Claire, j'espère qu'ils pourront nous envoyer des trucs de point de croix, des trucs, je ne sais pas ce qu'ils font dans Marie Claire en même temps. Donc elle a déclaré dans Marie Claire, je ne pourrais pas prétendre jouer le rôle d'une personne de race différente. Bon, merci okay. Scarlett. La diversité est une chose essentielle à Hollywood, et jamais je n'accepterai de jouer un rôle qui pourrait offenser les autres. Rares sont les franchises qui possèdent une femme en tête d'affiche, et d'un coup, je ressens la pression que ça apporte. Donc en fait, elle a botté en touche sur la polémique du whitewashing pour mettre en avant qu'une femme dans un blockbuster aussi important, ce n'est pas courant, hein, ce qui est vrai, mais surtout, on a envie de dire, c'est pas vraiment le sujet. Non. On te parle du whitewashing, mais c'est Marie-Claire, mais c'est pas... bien, il y a des femmes dans le film, et c'est important qu'une femme porte un, ce qui est vrai, hein, porte un rôle aussi fort que dans un blockbuster. Donc un peu étonnant, j'ai trouvé cette manière de mettre en avant la place particulière des femmes à Hollywood quand le sujet est tout autre. Donc on voit que le whitewashing, c'est encore un sujet qui est sensible. Qui est assez sensible, qui est un peu tabou. On a beaucoup parlé, on a même toute la polémique qu'il y avait eu aux Oscars. Ouais. Voilà, donc après, ça, on voit sur un autre débat sur finalement les femmes dans les. Elle n'est pas bête. Hein. Voilà, mais en même temps, il y a aussi, je ne sais pas, dans Mila Jovovich qui porte sur ses frêles épaules toute la puissance de la série Resident Evil. Voilà, donc, pas... on parlait d'Underworld aussi. Il y a Underworld qui sort bientôt. Ouais, il y a Underworld, mais c'est vrai. C'est qui, c'est Kate Beckinsale, c'est ça, toujours. Donc voilà, c'était... il n'y a pas forcément rappelé de débat. On a fait des tonnes de débats sur Whitewashing. C'est pas très bien justifié, hein. C'est notre avis en tout cas. Alors après, peut-être que Marie-Claire ne lui a pas du tout posé cette question. Un travail journalistique intéressant de notre partenaire Marie-Claire. Du coup, question conne, mais c'est quoi le nom de l'héroïne dans Ghost in the Shell, du coup, si c'est plus une japonaise? Je crois, elle s'appelle Major Kusanagi, non, ils sont pour ça, pour le coup, ils sont pas. On va pas se faire chier, tu me les brides les yeux là. Et là non, alors ils ont dit que les effets spéciaux ne seraient pas sur Scarlett Johansson pour les rendre les plus asiatiques. Ils ont essayé et ça rendait pas. Non. Ils sont devant se prendre un scud. Bon, avant qu'on fasse notre fameux point trailer pour conclure cette partie divertissement, je vais laisser une dernière fois la parole à Dimitri pour une news sur les séries X-Men dont on entend pas mal parler en ce moment. Dimitri, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, une news que j'ai récupérée sur auféminin.com. Non, je rigole. Mapilulemoi.fr. Notre partenaire. Non, la dernière fois, il y avait Elohim qui nous parlait de ses attentes sur la série Légion, qui aura pour héros le fils du professeur Xavier. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a d'excellents retours sur le pilote qui a été diffusé la semaine dernière. Clairement, c'est l'enthousiasme absolu, ouais. Ouais, on se demandait si la série allait être connectée au film, et le hasard fait bien les choses, car nous avons eu la confirmation de la Fox que non. Alors j'ai envie de dire tant mieux, car au niveau cohérence et temporalité, la saga X-Men, c'est quand même déjà un bien beau bordel. Ça aurait vraiment rajouté encore plus d'ambiguïté, on va dire. Ouais. On a également appris qu'une nouvelle série sans titre, pour l'instant, était en préparation. Celle-ci va traiter l'histoire de parents qui découvrent que leur enfant est un mutant et ils vont devoir le défendre face aux Sentinelles. Alors pour rappel, les Sentinelles, c'est des robots conçus pour éliminer les mutants, on a pu les voir déjà dans X-Men 3 ou Day of Future Past. L'histoire peut être intéressante et a surtout une valeur plus humaine et familiale, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir au ciné, mis à part peut-être avec la famille d'Iceberg dans X-Men 2. J'ai vu un article, mais ça reste à vérifier, que ça serait Bryan Singer qui devrait réaliser le pilote de cette nouvelle série. Ah, j'ai vu ça aussi. Ouais. Alors, ouais. Donc décidément, ouais, il nage vraiment pas la licence. J'espère qu'il se débrouillera mieux qu'avec Apocalypse. Oh, putain, et oui. Peut-être voilà, que le nouvel avenir des X-Men est plus à la télé qu'au cinéma. On verra bien. En tout cas, si vous avez vu aussi le pilote de Légion, hein, n'hésitez pas à nous faire des retours, parce que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce qu'effectivement, les critiques sont assez dithyrambiques, et c'est rare de le signaler pour une série comme ça. Hein. C'est vrai que... Mais le format série, je trouve, se prête bien aux X-Men. Hein, donc je suis assez curieux de voir ça, moi, personnellement. Toutes ces news, pour le coup, m'enthousiasme un peu. Et puis, bah, je vous propose de terminer avec le point trailer. Alors, le point trailer daté. Le point trailer d'il y a un mois. Tous les faire, hein, peut-être pas tous les faire, on va aller assez vite. Hein. On en avait sélectionné quelques-uns. Le premier que je vois dans la liste de ceux que vous aviez marqué, c'était le trailer de l'excellent Power Rangers 5 que Yao et Dim avaient sélectionné. Bon, bah, nous qui ne l'avions pas sélectionné, Julien et moi. Julien, ça m'a semblé long, hein, 2 minutes, là, j'ai rien compris. Là, j'ai vu des gens qui tombaient dans l'eau qui étaient de couleurs différentes. Voilà, j'ai rien compris. Après, à la fin, j'ai vu des gros mechas qui se foutaient dessus, donc ça, c'était marrant. Mais voilà, donc ça n'avait pas l'air génial. Hein. Bon, les Power Rangers, en même temps, qu'est-ce que tu veux sortir de ça? Ça a l'air d'être une grosse série B, hein, on est d'accord, voire Z, hein, je sais pas. Je sais pas, ça touche mon cœur d'enfant de toucher à une. Grosse licence comme ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, ça a l'air dobique, mais ce qui me choque le plus, c'est que ça a l'air encore plus naze que le film des années 90 qui était sorti. Ouais. Parce que c'est vraiment un gloopy-goulbat dégueulasse, des bouillies visuelles. Je sais pas ce que t'en penses, Dim, mais il pouvait pas faire pire. Là. J'ai pas voilà, Ninja Turtle. Alors, moi, je connais pas du tout la licence d'origine, hein. J'avais jamais trop regardé les Power Rangers. Mais bon, après, voilà, ça rentre dans la catégorie de mes petits plaisirs coupables et déviants comme un Resident Evil ou un Fast and Furious. Voilà quoi. Non, mais je suis d'accord, pourquoi mais là, ils pouvaient pas faire pire au niveau design, j'ai pas compris. Alors qu'il y a des fan-made ouais, niveau design fiction, qui tournent et qui sont largement mieux, tu vois. Ouais. Mais là, c'est vraiment, on comprend rien dans mon annonce. Alors, les acteurs, ils ont un charisme du tout. C'est dégueulasse, en fait. C'est visuellement, après, c'est tu t'en fous, ils sont dans leur combi. Après, ouais, c'est le côté un peu gothique, dark, on va essayer de. Ouais. Il y a Bryan Cranston qui est très confiant sur le film. J'ai vu ça, parce qu'il joue le méchant ou je sais pas quoi. Enfin, bref, voilà. Mais bon. J'irai le voir quand même. Hein. Deuxième trailer, Logan, hein, je crois que là c'est sans surprise, ça doit être Dim qui a sélectionné ça, j'imagine. Parce que je ne sais pas qui a sélectionné quoi. Je sais plus, hein, c'est vieux. C'est vieux. Je ne me rappelle plus. Bon, Logan, ça sort le 5 avril 2017, ça te fait toujours autant envie, Dim? Ouais, franchement, ouais. Ça a l'air. Ça a l'air cool, quoi. Enfin, une relation entre Logan avec une enfant qui risque d'être, on va dire, la nouvelle Wolverine. Donc, c'est un peu un film passage de flambeau, pourquoi pas, quoi. Donc là, c'est le dernier, c'est le dernier pour Hugh Jackman. Bah, avant le prochain gros chèque, je pense. Hein. Moi, j'avais bien aimé le premier trailer où on entendait, on entendait Hurt de. Ouais, Hurt, ouais. Johnny Walker. Johnny Cash, ouais. Et là, je trouve que c'est bon. Alors, c'est un peu plus classique avec la gamine qui a les mêmes pouvoirs. Bon, ça m'a pas plus hypé que ça, alors que le premier trailer, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Quoi. Il y a un côté, on avait dit à l'époque, je trouve qu'il y a un petit côté Kojima. C'était donc... grâce à Hurt. Hein. C'était grâce à Hurt. Ouais. Mais n'empêche, en reparlant de ça, de Johnny Cash, c'est quand même des sacrés opportunistes à Hollywood. Parce qu'ils ont vu, ils ont vu quand même que ça a vachement bien marché, le trailer avec Johnny Cash. Et là, on a vu Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Johnny Cash. Et il me semble, si je dis pas de conneries, Transformers aussi. Hein. Transformers avec Johnny Cash. Je suis plus sûr. Alors, je confonds peut-être avec un autre blockbuster qu'il y avait eu au Super Bowl, mais enfin, bref. Oh putain, c'est génial. Hein. C'est génial. Bon, et le prochain trailer, en tout cas, c'était pas du Johnny Cash dans la musique, hein, puisque c'est le trailer de Chips que vous avez sélectionné. Donc là, je crois. C'était California Love. Dans le... Tout ça, on va vous le mettre sur Upcast.fr. Hein, vous retrouvez tous ces trailers hein, qu'on est en train de commenter. Bon, bah, Chips, je dois avouer que ça a l'air complètement nul, mais j'ai pouffé de rire 2-3 fois quand même. Ça a l'air marrant. Il y a Michael Pena dedans, il est trop fort. Il est trop bon. Franchement, ça a l'air vraiment très très con, mais c'est limite. C'est pour ça qu'on va le voir. Donc, ça, c'est le 24 mars 2017 aux États-Unis. Je sais pas si ça va sortir en France, Chips, j'avoue. Je ne me suis pas renseigné. En avril. C'est prévu en avril. Bon, bah, écoute, on ira certainement voir ça. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer magnifique, hein, Chips, quelle grande série. The Lost City of Z, après, hein, qui a été sélectionné par quelqu'un. Je crois que c'est toi, d'ailleurs. C'est moi ? Ouais, il me semble. Ah, non, c'est moi qui c'est toi qui l'as sélectionné, ouais. D'accord. Donc James Gray, hein, qui avait fait Two Lovers, La Nuit Nous Appartient, un réalisateur que je crois que tu aimes beaucoup, Julien. Oui, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, ouais, je trouve que c'est un réalisateur intéressant, mais j'aime beaucoup La Nuit Nous Appartient, Two Lovers aussi. Après, il y a d'autres trucs, Immigrants, ça n'avait pas marqué plus que ça. Mais là, ouais, ça a l'air... En plus, je trouve qu'il sort un peu de son style très contemporain. Là, c'est un... Alors, je sais pas quelle époque ça se passe. C'est en 1906. Ça. Ouais, donc il y a un. Je sais pas d'ailleurs le style de film que c'est. C'est un film avec genre un film d'aventure à la Indiana Jones. C'est un exploration. Vraie, un truc comme ça. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Voilà, il y a un côté assez réaliste. Moi, je vais sur un explorateur. Hein, donc, Percival Harrison Fawcett. Peut-être crainte, c'est que c'est l'acteur de. Enfin, moi, j'aime bien cet acteur. C'est Charlie Human. Voilà, donc après, il peut être bon comme il peut être très huit. Ouais, mais bien dirigé. Disons que moi, je l'ai trouvé bon dans Sons of Anarchy. Mais après, je trouve que dans tous les films, il joue... Enfin, ouais. C'est Jack Steller, quoi. Tu le voyais, ouais. C'est dans le film de Guillermo del Toro, le film d'époque. Ouais, Crimson Peak. Ouais, voilà, ouais, tu le voyais, limite, comment qu'il marchait, quoi, comme un biker et tout. Enfin, ça me faisait trop rigoler dans le film. C'est un peu la seule dans le crainte, film. Mais moi, je suis comme Julien, vu que j'avais bien aimé La Nuit nous appartient. Donc, Ouais, voilà, c'est un bon directeur d'acteur, James Gray. Donc, à voir. Bon, il s'est juste planté, je crois que c'est lui qui avait co-écrit le film du mec qui a fait Les Petits Mouchoirs, là, qui sort Rock'n'Roll, là, comme il s'appelle déjà. Jim Kelly. Ah, il l'avait. Bah ouais, parce que quand il avait tourné avec Marion Cotillard et James Gray, il avait aussi pour son film américain. Hein ouais, son film américain. Vu, dans Click, il dit que il adore, c'est un de ses meilleurs films d'ailleurs. Ah ouais, mais ça a fait un beat total. Ouais, mais pour lui, Game Canet, il dit que c'est son film le plus accompli. Et ça a été coécrit avec James Gray. D'accord. Bah écoute, donc ça sera. On sait la date ou pas de ce film-là. Moi, je le vois plus. Bon, écoute. C'est bientôt. Ouais, j'avais noté en mars, mais bon. Mars. Ouais, 15 mars, t'avais noté. 15 mars 2017. Heureusement qu'Yahoo est là. Et enfin, dernier trailer qu'on va commenter avant de parler de jeux vidéo, c'est Colossal. Colossal, qui est un film qui m'hype pas mal, ouais, personnellement. Très étonnant, quand même. Ouais. Très étonnant. Donc, c'est un film avec Anna Tawai. Ça, c'est un bon point, déjà. Il n'y a pas de date pour le moment. Ouais. C'est un film de Nacho Vigalondo. Voilà pour le réalisateur. Bon, il doit connaître. C'est une femme. Même pas. C'est une femme qui découvre qu'elle est mentalement liée à une sorte de kaiju, un lézard géant, ouais, qui menace de détruire Tokyo. Voilà. Non, ça se passe en Corée, je crois. Ah, c'est en Corée. Bah, autant pour moi. Maintenant, c'est en Corée. Et donc, en gros, quand elle fait certains mouvements, bah, elle voit que le gros monstre géant les fait également. Donc voilà, je sais pas si c'est une comédie. Oui, c'est ça. Ça a l'air une sorte de comédie. Ouais, ça a l'air bien bizarre. Ouais, c'est en même temps un peu dramatique, parce qu'il y a quand même des millions de morts. Oui, tu vois, genre. Ça part un peu comme Cloverfield. Ouais, c'est ça. Après, tu te dis, c'est un peu plutôt... Ouais, mais ça a l'air intéressant, ce point de vue. T'as l'humour un peu à The Host. Et bon, Anna Tawai, effectivement, très bon point. Moi, je pense rien que pour ça, on peut aller le voir. C'est un film Netflix, ça, en plus, non? Ça va sortir cette année sur la plateforme. Ah, c'était pour ça qu'on n'avait pas trouvé de date. Si ça va sortir au ciné, ça sortira pas. Je crois bien, il me semble. Bon, bah en tout cas, nous, on est très curieux de voir ça. T'avais quelque chose à rajouter, Julien? J'avais une news surprise. Ah, je te voyais fouiller sur ton téléphone, je me dis, il a un truc. Ah oui, parce que j'ai une news surprise sous forme de blind test. Oh putain, ça passe toujours très très mal, donc... Mais la dernière fois tu m'as dit ça, en fait, ça passe très très bien. Nos excuses par avance aux auditeurs. Hein. Donc, bon, voilà. Bah je reviens, je vais me fumer une clope. Non, en fait, parce que... Alors, peut-être vous avez vu passer cette... peut-être si vous savez, donc ça va être moins drôle, mais Pitchfork a révélé, en fait, révélé les 10 meilleurs morceaux des années 2000. Oh putain, on est mal. Voilà, donc je vais vous mettre ces morceaux-là. Alors, c'est un blind test. Attends, est-ce qu'il faut que je bon. Ça, c'est le dixième. Je pense qu'on n'en trouvera aucun. Ils sont tous très connus. Ah, je le connais, mais je ne sais pas le titre. Je vais avancer c'est un peu. C'est Larousseau, non? J'avance un peu. C'est Larousseau. Oui, c'est les machins là. Un groupe canadien. Ouais, voilà, les Bible là, je sais pas quoi là. Néon machin là. Tu Néon Bible, c'est leur deuxième album. Bible, ouais, merci. Arcade Fire. Et moi, les noms, je sais pas. Quand t'écoutes sur Spotify, tu regardes plus les noms. Neighborhood Number One, donc le morceau qui ouvrait leur premier album. Attends, c'est un classement qui est fait comment? C'est ils ont il y a un truc scientifique ou c'est juste eux? Non, c'est eux qui ont vraiment décidé quels étaient les on deux les faire dix meilleurs. Seulement les trois premiers. Parce qu'il y a 10, ça va être long. Hein. Oh, allez, ça va être rapide. Allez, je vous en mets un autre. Je vous l'avance un peu pour le. Je ne connais pas. Animal Collective. Mais en fait, je suis en train de réaliser que Dim n'entend pas, je crois. Il n'entend pas. Ah, si, j'entends. Ah, si, d'accord. Il ne connaît pas, surtout. Pour une fois, j'entends. Mais ah, ok. Non, mais il entend forcément. Je connais Animal Collective, mais voilà, je. Animal Collective avec My Girls. Un très bon morceau. Ah, c'est un bon groupe, Animal Collective. Donc, le numéro 8. Radiohead, hein. Voilà. Très bien. De 9. Enfin. Quel morceau? Ça va rentrer, je t'ai dit, moi j'ai les morceaux. C'est le premier morceau de Hail to the Thief, non? Alors non, c'est sur Kidé. Idiotech. Idiotech. Ah, j'étais plus sûr du titre, tu vois. Très bien, tu vois, tu en as trouvé. J'en ai trouvé un. C'est bon, j'ai mes points, les gars, à vous maintenant. C'est Missy Elliott, ça. Ouais, voilà, très bien. Ouais, voilà. Missy Elliott. Il n'y a plus que Dim, hein, Dim, t'as la pression là. Donc avec. I Got Your Freak On. Get Your Freak On, ouais. Super morceau. Un autre. Y'a pas du corno, hein. Je vous l'avance un petit peu pour la voir. Ah, c'est ça. Et chanter le générique de Tomb Raider, dernièrement. L'indice. Donc c'était crois... les Yeah Yeah Yeahs, hein, donc Karen O. Ah oui, c'est ça. Je crois que Dim voilà. L'avait, ouais. Karen O, ouais. Hein, avec le morceau Maps. Karen O. La Punk. La Daft Punk, si. C'est mortel. Une note. Il m'a assez fait souffrir comme ça, ce morceau, hein. Ah, Beyoncé. Ouais, Beyoncé, c'est dur. C'est quand même des morceaux connus. Ça, c'est un très bon morceau. Donc, Crazy in Love avec J'espère que ça s'attire pas trop, vas-y. Mais... Je baisse un peu ton son, là. Là c'est, Mia... c'est Sia, là, ou je sais pas quoi, là. Mia. Mia ou Sia, je sais jamais. Mia, ouais. Mia merci. Avec, Paper Planes. Avec le bruit de la caisse enregistrée. Ouais, ouais, voilà, et le flingue. Tu nous remettras le top 10 sur le site ? Ouais. Ouais, ouais. Là, je connais pas ça. Là, on est au numéro 2, là. Alors, j'ai avancé un petit peu pour la voix. Dim, tu sais ? Non. Les Strokes ? On dirait les Strokes, peut-être, mais ouais, je sais pas. Ouais, The Strokes, LCD Sound System. Ah bon ? Ah ouais. C'est quoi ? LCD Sound System. Et le dernier morceau, donc qui est numéro 1, le meilleur morceau des années 2000. Donc Outcast avec Bob. Classement intéressant. Ils sont éclectiques, hein, chez Pitchfork quand même. Hein. Ce qui est marrant, c'est vrai que c'est des morceaux quand même très très connus. C'est plus des morceaux très très grand public que des morceaux très Pitchfork en fait. C'est vrai, parce que Pitchfork ils sont quand même souvent dans des trucs assez underground. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. En tout cas, merci Julien. Vous en avez trouvé pas mal, donc, vous avez trouvé pratiquement 8 sur 10. On en a trouvé quoi. Quelques-uns. À part Animal Collective et le CD Sound System. Je pense que chez vous, vous en avez trouvé également certains. Dites-nous hein, dans les commentaires si vous en avez trouvé. Et sinon, bah, vous pouvez les retrouver sur, si vous avez entendu, sur le site. Ouais, si on a entendu, quand je vais monter ça, ça va être juste l'horreur. Mais si tu m'as dit ça la dernière fois, ah, j'ai peur que ça sature toujours quand je vois les courbes là-haut. Bon, bref, ça c'est l'envers du podcast. On va faire une pause et on va se retrouver tout de suite pour la partie jeux vidéo. Partie art ludique et on revient avec une première news slash débat qu'on n'a pas réussi vraiment à la catégoriser en fait, hein, pour l'envers du podcast. C'est Yao qui avait fait un petit constat avant ce podcast, quand on aurait dû le faire déjà il y a un mois. C'est que effectivement certains vidéastes amateurs, comme tu les appelles, Yao, ouais. Sont là depuis longtemps. Et tu voulais parler un petit peu de ça. Alors, dis-nous un petit peu ce qu'avait retenu ton attention dans cette news là, dans ce contexte là. Bah, en fait, j'ai fait un constat. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai accès au net, ma façon de voir le jeu vidéo a évolué, notamment en suivant certains vidéastes amateurs sur des plateformes telles que YouTube ou Dailymotion. Qui vont tester des jeux soit récents ou faire du rétro. Ouais. Donc ils m'ont parlé de leur ressenti de l'époque, comment ils ont découvert ce jeu, leur rapport à ce jeu à maintenant comparé à celui d'avant. Donc tout ça, ça m'a intéressé. Et en fait, j'ai découvert certains de ces vidéastes sur la plateforme, sur le site de jeux vidéo, jeuxvideo.fr. qui a fermé maintenant, ça fait je crois depuis 2-3 ouais, ans. Ouais, ça fait 3 ans, un truc comme ça. Et en fait, fermé, ouais, ça. Tout a commencé là-dessus, notamment, ben, je vais en citer Hooper, qui est un vidéaste qui se situe à Toulouse. Donc, c'est ouais. Marrant, avec son accent, c'est un personnage, quoi. Il y en a un autre qui s'appelle Bibi aussi, je crois qu'il est situé, dans le nord de la France. Enfin, bref, c'est marrant qu'il soit éclaté dans la France entière en fait. Et donc chacun ils ont leur style en fait. Il y en a qui vont faire des let's play, il y en a qui, comme je disais, qui vont faire que du rétro, il y en a qui vont faire du live aussi, qui vont faire des tests, comme à l'époque des magazines aussi. Et donc comme tu disais, ce qui m'a surtout, enfin pas choqué, mais ce que j'ai constaté, c'est que ça dure depuis 10 ans en fait. 10 ans, ouais. Ils ont cette passion depuis 10 ans à faire découvrir des jeux, à être réguliers dans leur session, genre c'est une vidéo peut-être toutes les deux semaines, voire tous les mois, mais qui soit toujours carré à cette date en fait, et je trouve ça passionnant. Et on en parlait aussi par rapport à Resident Evil, ça c'est un jeu que je pourrais jamais faire vu que ça me fait flipper, et donc de découvrir ce jeu à travers d'autres vidéastes, c'est plaisant aussi de voir. Bah, c'est vrai que ça a vachement changé la façon dont on a abordé le jeu vidéo. Alors, moi je suis pas aussi amateur que Julien ou toi Yao sur les jeux vidéo, je suis ça de plus loin on va dire que vous deux. Et c'est vrai que pour le coup, quand je suis les jeux vidéo, je le passe notamment par ça en fait. Alors pas forcément des trucs comme ça. Je pense à la Switch déjà, tu vois. Je passe plutôt effectivement par du YouTube ou des trucs comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que même certains jeux auxquels je joue beaucoup, coucou Hearthstone, je les reconsomme ou je les consomme différemment en revoyant des Twitchers ou des YouTubers rejouer au même jeu, jouer différemment. Parfois, par exemple, en ce moment, Hearthstone traverse une crise, hein, on va dire, hein, parce que la méta, etc., est pas intéressante, mais du coup, moi, j'ai plus envie d'y jouer, mais ça m'empêche pas de consommer le jeu encore en regardant d'autres personnes y jouer et en essayant de les voir pourquoi eux continuent à y jouer, pourquoi ils apprécient ce jeu, etc. Et c'est vrai qu'il y a un aspect intéressant de savoir, un peu d'avoir la relation émotive d'une autre personne sur un jeu. Et je précise sûrement aussi que ça ne m'a pas empêché de continuer à jouer aussi. Je suis, ça me donne même envie de refaire des vieux jeux. Ah, je trouve que ouais, ça peut pousser à refaire. Pour revenir à Hooper, le vidéaste dont je parlais, lui, sa particularité, c'est que pendant 10 ans, juste avant de fêter ses 10 ans, il n'a jamais montré son visage, ce que je trouve assez extraordinaire. Internet, tout le monde, entre guillemets, montre un peu sa gueule, mais lui, du début jusqu'à ses 10 ans, il n'a jamais montré son visage, et je trouvais ça super intéressant. Bon, j'étais un peu déçu qu'il le montre pour la 10e année, mais bon, il l'a montré une seule fois. Mais je trouvais ça très pertinent, et voire couillu, surtout sur le net. Et après, il y a d'autres vidéastes comme Wawa, je sais pas, tu dois connaître. Ouais, je vois qui c'est. Il fait plus rétro, lui. Ouais, il fait du rétro, mais vraiment des émissions travaillées, avec vraiment des recherches. Il invite aussi des personnalités du web ou des potes à lui à tester des jeux. Donc, comme je disais, il fait des recherches, notamment sur des jeux comme Metal Slug, après des jeux hardcore, ça devrait te plaire sur Neo Geo. Ouais, j'avais vu celui sur Metal Slug. Son émission Back in Toys, et en dehors de ça, il fait des mini-docs, il va chez des gens filmer leur collection. Et je trouvais ça aussi plaisant. Après, il y a Badim, tu peux rebondir. Toi, tu connais le joueur du grenier, je crois, aussi. Oui, voilà. Enfin, je pense que tout le monde connaît le joueur du grenier. Hein. Mais ouais, joueur du grenier, Benzaï. Après, voilà, tous ceux que tu as cités, moi, je ne les connais pas forcément. Je pense que je connais peut-être les deux plus connus, il me semble. Norman et Cyprien. Après, oui, je vais dans mon prisme, en fait. Moi, je vais vraiment... Pardon, vas-y. Non, c'est bon, j'avais fini. Non, je disais juste que moi, je me concentrais sur ce que je disais et je mettais de côté déjà tous les vidéastes non francophones, genre PewDiePie, je connais pas PewDiePie, du tout. Ouais. PewDiePie, pardon, tu vois. Et Cyprien et. Après, tu vois certains. Squeezie, je ne fais pas du tout. Donc, moi aussi, il y en a plein que je connais pas dans ce que tu cites. Moi aussi, il y en a plein que je connais pas. Le joueur du grenier, par exemple, c'est un niveau de réalisation et de professionnalisme qui est. Est-ce qu'on est encore dans l'amateurisme, parfois Je me demande. Non. Je les ai regardés là, il n'y a pas longtemps, hier, j'en ai regardé et je me disais que. Quand même, ta fille a regardé. Surtout moi. Et bon, bref, ouais, on atteint pour certains, effectivement, on voit que ça fait longtemps qu'ils y sont, on voit qu'ils ont assimilé aussi les codes, voire qu'ils les ont participé à les créer. Bah d'ailleurs, t'en parles, eux, ils sont rémunérés, il y en a qui vivent de ça, et je disais, par exemple, Hooper, il vit pas de ça, et ça fait depuis 10 ans qu'ils prennent le temps de faire ça. Il y en a qui vont demander des dons, je crois que ça se fait de plus en plus via des Patreons et tout ça, voilà. Donc c'est ça aussi, c'est... voir toutes ces différences en fait. Et une annonce à faire, c'est ça. C'est ça. Non mais c'est vrai que c'est intéressant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression aussi que cette scène-là a obligé un petit peu la presse jeux vidéo aussi à réagir derrière. Ouais, parce que justement, tu vois, quand t'en as un, alors voilà, tu cites des noms de ceux qui partagent leur passion gratuitement depuis 10 ans à tester, à te faire découvrir des jeux, à t'expliquer pourquoi ils en aiment certains, voire à jouer avec toi ou pour toi. Forcément, quand t'es juste un test d'un jeu vidéo, d'un testeur qui en a parfois peut-être un peu marre de son métier, qui doit encore écrire un autre test sur un jeu qu'il a pas vraiment envie de tester, etc., tu sens que c'est pas la même relation au truc, et ils ont dû justement, les sites comme Gameblog ou autres, et ils ont dû réinvestir dans des façons de reconnecter avec leur public, via des Twitch, via des lives, via des sessions comme ça, parce que justement c'est aujourd'hui ce que veulent les gens, quoi. Et quand tu vois la valeur qu'a pris Twitch justement de passionnés de jeux vidéo qui voulaient juste jouer aux jeux vidéo en étant regardés par d'autres, qui a donc été racheté pour $1 milliard par Amazon il y a de ça 3-4 ans maintenant, ils ont dû, ça, mine de rien, ce changement des amateurs et des vidéastes amateurs dans le jeu vidéo, ça a redéfini aussi la relation à la presse jeu vidéo dans son intégralité. Et même, on peut étendre ça, même ça a changé la relation par rapport à l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les éditeurs, un YouTuber en parlait de PewDiePie, mais on pense, il y a plein d'autres, ils sont plus importants que les magazines, c'est-à-dire qu'ils font tellement plus d'audience, comme on dit, c'est des influenceurs beaucoup plus lourds que ce que peut être un Game Cult en France, que peut être même un jeuxvideo.com. Donc ils préfèrent, en plus souvent, ils peuvent peut-être plus facilement être un peu à la solde, entre guillemets, de l'éditeur, c'est peut-être un peu plus facile. On le voit avec certains, pas forcément. C'est des gens qui s'en cachent pas, et d'ailleurs ils sont obligés de mettre qu'ils sont rémunérés par l'éditeur. Mais ça a complètement changé le rapport qu'il peut y avoir. T'as raison, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette frontière, pas qu'à la presse, Il y a cette frontière entre le vidéaste amateur où t'as celui qui le fait encore pour le plaisir et il a. Est-ce qu'il le fait pour le plaisir ou est-ce qu'il espère vouloir percer pour qu'un jour peut-être ça rémunère, tu vois, et que et du coup il ait des jeux gratuits et une paye pour pouvoir machin. Ça c'est une question un peu floue, je sais pas. Il y en a peut-être qui font vraiment ça pour l'amour du sport. Après, faut dire que il y en a qui sont transparents. Faire des vidéos, c'est pas. Tu vois, par exemple, par rapport au podcast, c'est beaucoup plus coûteux. À la fois en temps. Et à la fois en argent, quoi. Donc c'est vrai qu'après t'es obligé d'avoir des retombées. Alors après, les retombées d'argent sont beaucoup plus importantes, si tu marches, tu vois, PewDiePie et tout ça, c'est des extrêmes parce qu'ils font des millions et des millions de vues, ou même on parlait Cyprien Gaming ou Norman, tout ça fait des millions de vues. En plus, ils ont créé leur société qu'ils ont revendu après, ils ont été, c'est des businessmen, quoi. Mais faire des vidéos YouTube, à un moment c'était plus l'Eldorado que par exemple faire du podcast où ça rapporte 0€. Donc il y a ça aussi, il y a un investissement temps et argent qui est plus important et qui fait que t'as peut-être pas tout le temps envie de rester amateur quand tu fais ça, parce que c'est beaucoup beaucoup de temps de passer quand même. Après, il y a deux catégories, il y en a qui le restent parce que je pense qu'à côté ils ont une situation qui leur permette ça dépend de ta situation, cette situation personnelle. Mais moi, je me rappelle, à une époque c'était très à la mode, notamment sur jeuxvideo.com. ils avaient toutes une espèce de un peu, j'allais dire, une espèce de cours de gens qui faisaient toutes des vidéos, je pense par exemple à Usul. Jeuxvideo.fr, c'était comme ça aussi. Ils avaient toute une communauté qui faisait des vidéos. Ça faisait beaucoup, beaucoup de. Ils étaient parfois presque plus connus. Ils étaient presque connus indépendamment du site sur lequel ils étaient. Enfin, Usul, c'était des plus connus. Après, Dorian qui a repris la suite, qui était avec lui. Mais il y a eu ça a créé presque des stars, en fait. Des stars de YouTube et après de Dailymotion, parce que c'était plus rémunérateur. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est encore aussi rémunérateur qu'avant. Il y en a beaucoup, c'est ça aussi maintenant. Beaucoup, alors qu'avant ils étaient plus nombreux, et j'en parlais avec un pote. Maintenant il y en a, c'est marrant comment ça évolue. Je suis mon vieux con, mais il y a des petits jeunes qui veulent être comme plus tard, ce que je voudrais faire, c'est faire comme Cyprien ou Il y en a qui veulent être ou Squeezie, tu vois. C'est marrant. Tout dépend du point de vue, mais c'est bizarre d'entendre. C'est l'évolution de la presse. Tu veux plus être. Nous, on voulait être testeurs de jeux vidéo dans un magazine, et eux, ils veulent être youtubeurs et faire des jeux vidéo sur YouTube. C'est une évolution. En plus, après, les sites se sont aussi adaptés. Des let's play, il y en a plein. Il y en a chez Game Cult, les lives, tout ça, ou même chez Gameblog ou chez jeux vidéo. Tout le monde le fait. C'est obligé, en fait. Tu mets juste le jeu en plein écran, ta petite tête en bas, et puis tu dis après, le jeu. Personnellement, tout ce qui va faire la différence, c'est vraiment les anecdotes et ce que la personne va raconter. Parce qu'en dehors, elle peut raconter tiens, j'ai découvert tel jeu à telle époque, donc du coup ça te ramène à toi-même, tu dis c'est marrant, j'ai fait la même chose. Il peut y avoir un angle sur la vidéo, alors que quand tu prends un let's play par exemple de Game Cult, il n'y a pas d'angle. C'est-à-dire qu'on monte le début du jeu, on joue pendant une heure et tu te rends compte de ce que vaut le jeu. Alors après, moi personnellement, je suis pas trop consommateur, parce que moi je suis plus audio, donc je suis plus podcast que vidéo, parce que c'est une question, j'ai plus le temps de m'écouter dans les transports, alors que les vidéos, faut que tu sois posé devant ton écran, c'est pas la même utilisation du temps. J'en ai regardé parfois. Alors après, les let's play, moi je suis pas tellement fan de revoir un jeu, même tu vois, pour Resident, à la limite je préfère pas le faire que de le voir jouer à ta place. Moi j'aime bien la mythologie, mais je pourrais jamais jouer. Tu veux voir comment le jeu il est fait, l'histoire et tout ça. Après, je trouve ça sympa quand t'as fait le jeu, de voir un peu les réactions des gens quand ils y jouent, quoi. Ça peut être pas mal. Par exemple, pour un Asgardian, j'ai vu des vidéos là pour le coup, faire des Let's Play sur ce genre de jeu, là, je trouve ça un peu forcément inutile, vu que c'est vraiment un ressenti personnel. Oui, ouais. Et après, voir des gens s'énerver sur la... Enfin, tu vois, sur la jouabilité, ce genre de trucs. Et c'est souvent des vidéos, par exemple, qui peuvent aider à faire redécouvrir des jeux. Bah, c'est ce que je disais avec Resident Evil, ouais, notamment le 4 aussi, j'ai redécouvert ce jeu. Ouais, mais bon, le 4, il a pas trop besoin d'être. Non, mais moi, j'ai pas fait, il me faisait flipper, ouais. Tu vois. Mais j'ai découvert d'autres astuces, comment. D'autres utilisations d'armes, genre de trucs, tu vois. C'est marrant de penser à ça parce que j'avais une fois regardé PewDiePie qui avait fait un spécial sur Bayonetta 2. Ouais. Ah, en fait, ça avait augmenté les ventes. Triplé les ventes. Ouais. Bah, alors, il y avait eu 40 millions de vues. En plus, il avait fait vraiment un espèce de. C'était très, très monté. C'était très bien foutu d'ailleurs, mais très monté sur pro, lui, hein. les formes de Bayonetta. Donc, il est, voilà, et puis, alors, il est assez expressif, même surexpressif, on va dire. C'est un acteur. Dont, hein. C'est presque un acteur, voilà. Donc, ça doit saouler au bout d'un moment. Mais là, sur le coup, ça fonctionnait assez bien la façon dont c'était monté, dont c'était construit, en fait. Eh ben écoute, à mon avis, ce phénomène est là pour rester. Voilà mon analyse. Ouais, et en général, je suis très bon. Tout ouais, va s'effondrer demain. Mais ce qui m'avait quand surtout... on y pense, c'était peut-être même encore plus vieux que YouTube. L'ancêtre de tout ça, c'était un peu Marcus. Bah, avec c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ouais, c'est le père de, c'est le père de tous ces jeunes YouTubers. C'est Marcus. Ouais, c'est vrai. Bah, ouais, avec Level One. Ouais. Level One. Ouais. Et voilà. Non, du coup, ouais, ça m'a vraiment marqué de, que des personnes puissent rester 10 ans sur ouais. Du web. En fait, je trouve ça. Vu comment ça évolue. C'est une vraie carrière. Hein. C'est un investissement qui est hyper impressionnant, surtout pour quand tu imagines ceux qui font ça de façon effectivement amateur, non payée, juste pour la passion. 10 ans comme ça, franchement, respect à eux. Du coup, on va passer aux news un peu plus de l'actualité, on va dire. Avec Julien. Enfin, Julien, je te laisse la parole hein, sur la PS4 Pro. Ouais, puisque en fait, on ne parle pas à chaque fois des mises à jour des consoles bah, pour une raison très simple, c'est que bah, ça a rarement un intérêt décisif, voire c'est vrai. Un intérêt tout court. Souvent, la mise à jour 4,8 a rajouté le polonais comme troisième langue. Voilà, donc c'est des trucs dont on en parle. Sauf en ce qui concerne là, la mise à jour 4.50 de la PS4, actuellement en phase de test et notamment d'une option exclusive à la PS4 Pro qui s'appelle le mode Boost et qui est disponible en fait après mise à jour. Donc pour l'instant, ça va venir vers fin février pour tout le monde, mais si tu es dans les phases de test, les phases de bêta, tu peux déjà l'avoir. Alors vous savez, la PS4 Pro, elle propose des options graphiques en plus de, en plus, enfin différentes, enfin améliorées par rapport à la version de base, la version Vanilla, bah, seulement si le développeur il décide d'en rajouter ce qu'on appelle un patch pro, donc de faire un patch qui pèse X poids à télécharger et qui va vous rajouter des options graphiques. Donc souvent ça va être plus, il va être, le jeu va être plus fluide, il va y avoir des nouvelles textures. Donc ça, tous les développeurs le font pas forcément puisque ça a un coût. Et là en fait ils ont ajouté ce qu'on appelle le mode boost depuis ce patch qui permet, comme son nom l'indique, de booster les jeux PS4 qui n'ont pas de patch pro. Donc des jeux PS4 qui, un peu lambda, qui tournent de la même manière sur la version classique et sur la version pro. Et c'est d'ailleurs ce que Sony a expliqué à The Verge. Ils ont expliqué que ce mode boost augmente la vitesse d'horloge du CPU et du GPU dans le but d'améliorer les conditions de jeu sur certains titres PS4 sortis avant le lancement de la PS4 Pro. Les jeux dont la fréquence de rafraîchissement est variable peuvent bénéficier d'une meilleure fluidité et les temps de chargement peuvent également diminuer dans certains cas. Donc quand on parle technique, on peut compter bien sûr sur les pros du framerate et des textures, c'est Digital Foundry, qui est lié à Eurogamer, qui a constaté que des jeux comme The Witcher 3 ou The Evil Within étaient plus fluides et plus stables avec le mode boost activé. Ah, comme quoi. Voilà, donc ça marche vraiment bien apparemment sur beaucoup de jeux qui n'ont pas de patch pro. Donc on voit qu'il y a souvent un gain de 10-15 FPS, ou par exemple il y a des jeux qui sont maintenant stables à 30 FPS. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne chose surprise, avec un patch gratuit, puisque forcément tu as des vieux jeux, enfin tu vois, Witcher 3, ils s'en foutaient de mettre un patch pour la pro parce que le jeu il est vendu. Ah oui, rentabiliser, ils vont pas mettre du temps, de l'argent, des ressources dessus, et donc là tu peux avoir une amélioration. Il y a des vidéos qui tournent où tu vois ou des photos ou des visuels pour voir un peu les différences entre les différentes versions. Et ça marche. Voilà, ça donc ça sera fin février. Fin février, voilà. Fin février. Comme je sais que t'as une pro, tu pourras essayer sur les vieux jeux. Mais j'en ai pas de vieux jeux PS4. Bah, de jeux qui n'ont pas de patch pro, par exemple, je sais pas, Yakuza 0, je suis pas sûr qu'il ait un patch pro. De toute façon, il rame sévère en plus. Donc tu verras si ça. Après, il faut essayer. Hein. Apparemment, c'est pas efficace sur tous les titres, et des fois, si ça crée des problèmes, t'as juste à décocher le mode boost. Ok. Yao, tu vas nous parler de sortie de plusieurs jeux, j'ai l'impression, sur la liste, je vois. Ah ouais, ok, bah on enchaîne. Bah non, bah y avait Double Dragon 4 qui est sorti, là, j'en parlais parce que, bah, avec Julien. On a un amour commun pour les beat'em up. Ouais, pour les Double Dragon. Et pour Double Dragon aussi. Surtout le 2, j'avais découvert sur NES comme beaucoup, je pense, parmi vous, non? Peut-être pas? Non. Ah, non. Si, moi, si, si. Non. Moi, sur Amstrad. Ouais, ou Atari. Je suis un gros fan aussi de Double Dragon. Donc voilà, pour moi, c'est une licence mythique. Et j'étais fan aussi du créateur. Et là, on a appris qu'il était lié au dernier. Ah. Je crois que développé par Arc System. Ouais, c'est Arc System qui développe. Donc, qui est sorti là, je crois, le 20, vers le 24. Ou... Ouais. Donc, vraiment un jeu dans l'esprit des Double Dragon époque arcade ou époque NES. Non, alors... plus NES au niveau du graphisme. Du coup, là, ça reprend vraiment. Non. Un peu plus beau que de la NES quand même. Ouais, mais ça reprend le style graphique de la NES, c'est pas arcade. Mais selon les retours, là, même deux joueurs, autant de joueurs que de la presse, c'est une sorte de pétard mouillé quand même au niveau. Ouais. Donc après, je me tâte à tester, même si je fais pas forcément confiance, je préfère juger manette en main, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de retours qui disent que le jeu, ils sont très déçus par la qualité, notamment au niveau du level design. Et... Ouais, apparemment, c'est un peu assez pauvre. Ouais. Le jeu est sorti là. Hein. Ouais, il est sorti sur PS4 et PC. Je sais pas si c'est sorti sur One. Enfin, la One n'existe plus, mais. Existe toujours. Bah quoi. Mais non, ouais, donc là, il est sorti sur les plateformes de téléchargement et je sais pas, tu vas le prendre toi Non. Comme ça, c'est le débat. Et toi, Dim Non, bah, c'est vrai que j'avais vu aussi les retours de la presse, ça m'a un peu refroidi. Et surtout que là, vu que j'ai récupéré la mini NES il n'y a pas longtemps, et le Double Dragon 2, ça me suffit amplement. Bon bah écoute, hein, comme ça, autour de cette table, on sait pas comment... Du coup, tu vas quand même le prendre pour tester ? Bah... J'ai envie, mais je me dis en même temps, ça me ferait chier. Prends la Switch aussi. Prends Double Dragon Néon. Je crois qu'il a 12 balles, hein, mine de rien. Ouais, il est cher quand même. Ouais. Bon après, voilà, mais quand même à 12 balles. T'avais fait Double Dragon Néon ? Non, mais j'avais fait la démo et c'est toi qui m'avais dit. Ouais, mais c'était sympa. Alors pour le coup, c'était c'était une espèce de relecture complètement flashy. Ouais, mais apparemment, c'était vraiment un bon. Enfin, ouais, c'était un bon beat'em up. Ouais. Un bon hommage, même si j'aimais pas le style graphique. Mais voilà. Il y a une autre jeu vidéo qui sort ou qui est sorti, j'en sais rien parce que je suis pas du tout au courant. Nioh. Alors, tu voulais parler, je te laisse enchaîner avec ça. Bah, c'est génial aussi qui. Il n'y avait pas particulièrement de news dessus. Si, ils vont lancer PVP d'ailleurs, player versus player, qui arrivera un peu plus tard. Nioh, c'est le jeu de la Team Ninja. On en avait peut-être un petit peu parlé, notamment des bêtas, donc qui a été lancé, qui est une sorte de Dark Souls Onimusha-like. Onimusha-like, hein, pour ceux qui connaissaient le jeu de Capcom de l'époque. Développé par la Team Ninja, donc un peu plus nerveux que le titre de Miyazaki. Mais moi, je voulais surtout en parler parce que je me tâtais à l'acheter vu que dans un sens, toute l'ambiance. C'est vraiment un jeu fait pour moi, mais en même temps, je t'en parlais, ça a l'air quand même assez hardcore et complexe. Et un jeu qui demande des investissements, surtout. Et c'est ça le plus chiant. En fait. Donc, tu peux pas faire les jeux qui font peur. Tu peux pas faire les jeux qui. Quand t'as une vie à côté, le problème, hein, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en ce moment, on en parlera, je suis sur Yakuza 0. Donc, tu demandes de l'investissement aussi. Voilà, donc tu vois, des jeux qui demandent un peu plus de une soixantaine d'heures, faut faire un choix. Et Menio, je regarde du coin de l'œil, je sais pas, ça me tente vraiment. Mais finalement, c'est assez marrant de voir qu'il y a de nouveau une tendance dans le jeu vidéo à faire des jeux durs, difficiles depuis le succès finalement des Dark Souls. Et Nioh, c'est totalement, voilà, c'est une arlésienne du jeu vidéo. Hein, c'est le dernier, je crois, arlésienne japonaise qui sort. Ouais, c'est annoncé à l'époque de la PS2, je crois, hein, peut-être même. Je sais pas, début ça PS3. Ouais, enfin, plus de 10 ans. 2, 3, ouais. Et voilà, ils ont complètement, forcément, revu leur copie et ils se sont dit, tiens, on va faire un truc qui parle aux joueurs un peu plus hardcore. Voilà, et finalement, il y a un public pour ça, c'est assez marrant de voir ça. Ouais. Et donc, il y aura bientôt un player versus player. Hein, pour l'instant, c'est que du player versus environnement et ils vont faire un mode un peu plus online qui arrivera, je crois, après. Ouais, du coup, ouais, tu parlais d'Arlésienne, mais avec Final Fantasy et Last Guardian, ça y est, les trois plus grosses sont sorties japonaises. Il faut encore l'autre, là, le truc. Shenmue. Ouais, Shenmue. Ouais, mais ouais. Ouais, il n'est pas sorti encore, celui-là. Oui, mais il avait jamais été annoncé. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Il n'était pas vraiment développé. Tout le monde pensait quand même qu'un jour ou l'autre. Enfin, tout le monde espérait. Bref, Julien, je te repasse la parole. Ouais. Le 3 2017 déjà. C'est déjà demain et grande nouveauté cette année puisque l'ESA, alors je sais pas comment on dit en anglais, l'ESA ou l'ESA, l'ESA qui est l'organisatrice du salon a réservé donc 15 000 billets d'entrée au grand public. Ah. Donc c'est une première dans l'histoire du salon qui est avant tout un rendez-vous pour les professionnels de la profession comme on dit. On se dit super pour les chanceux qui pourront acheter leurs tickets, sauf que le prix sera de $250. Putain, c'est là que tu vas annoncer que podcast on va faire un Patreon. Alors, je parle même pas d'aller à Los Angeles, c'est déjà un investissement budget. Mais vraiment, sérieusement, c'est pas une blague, ça se paye. Écoute, je vais passer à Los Angeles en avril. Les 1000 premières, c'était $150 et donc les 14 000 restants, je sais pas si c'était encore tout vendu parce que je crois que c'était à partir de cette semaine. Aujourd'hui, peut-être le 13 février. Vraiment des gens qui vont mettre. Tu peux presque acheter une Switch. C'est dingue ça quand même. Tu vois, il y a plus de 1000 tweets. Putain, ça fait hésiter. éviter. Et donc l'année dernière, on avait fait un débat sur l'avenir de l'E3, donc avec des éditeurs qui fuyaient ou du moins qui partaient faire leurs propres événements, et on avait dit que le salon devrait forcément muter pour perdurer, d'autant que les éditeurs pestaient sur le prix des stands. On avait rappelé, c'était, je crois que c'était un indépendant qui disait combien ça coûtait. Alors c'était énorme déjà pour un indépendant. Alors t'imagines quand t'as un stand gigantesque comme peuvent l'avoir les constructeurs Sony, Nintendo ou Microsoft. Voilà, il pestait sur le prix des stands pour un événement qui avait tendance un peu à perdre de son aura avec la multiplication des salons tout au long de l'année. Donc il y avait eu, y a toujours la Gamescom, il y a la Paris Game Week après, et surtout il y a chaque, ils font leur chaque éditeur, chaque constructeur a leur événement. PlayStation Experience, les Nintendo Direct, même EA avait fait un stand. Enfin, un salon juste à côté. Enfin, il y a énormément de choses. Voilà, peut-être que cette année, ils feront la même chose. Je vois bien, là, cette année, je pense que Mélenchon va... mais tu sais, je pense qu'il va inaugurer la mode des hologrammes. Ah ouais, il va y avoir des hologrammes. Tu vois, je vois bien des genre, tu vois, un des présidents d'une boîte. Ouais, oh, puis il est dans plein de pays avec son hologramme, là. Ah, c'est pas mal, je pense que ça pourrait être pas mal. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée, parce que d'ouvrir au public, je pense que c'est un salon qui était un peu trop, peut-être, cloisonné, qui commençait à être trop cher et... Je pense que ça vient trop tard, moi, quand même. Ouais, c'est trop tard. Ça vient, ça vient avec 2 ans de retard, presque. Même. C'est super cher. Hein. Et puis, en plus, 250 dollars. En plus, surtout, tu te dis... Grand public. C'est 250 dollars pour quand même... C'est quand même le salon, pratiquement, où il n'y a que des hands-off, donc tu peux pas jouer au jeu, et beaucoup de behind closed door. Ouais. Alors, il y a aussi des trucs qui vont faire... Il y a des espèces de pass VIP où tu pourras quand même voir des choses en behind closed door. Mais ça fait quand même 250 dollars pour jouer à 4 jeux. Est-ce que ça va pas diluer l'expérience de la presse du coup? Ouais, c'est ce qu'ils disaient, qui commençaient à se plaindre un peu. Ah ouais, les gens, les professionnels, ils font la gueule. Bah oui. Bah ouais. Donc en fait, ils vont pas rendre les gens contents, parce que les grands publics qui vont pouvoir y aller, ils peuvent pas y aller parce que ça coûte 250 dollars. Et les journalistes, ça les fait chier parce qu'ils vont devoir. Ceci dit, 15 000 billets, ils vont peut-être les vendre assez facilement. Oui, ils vont les vendre, mais ça, par exemple, j'imagine, je vis aux États-Unis, j'aurais envie d'y aller, je râlerais parce que 250 dollars, je les paye pas, tu vois. Alors, ce truc que j'avais entendu, je sais plus si c'est dans un podcast, certains disaient que c'était pour le coup hyper facile de se faire inviter. Oui, c'est dans Game Cult, c'est Stone qui dit ça. Ouais, c'est apparemment, tu crées un compte sans critique et tu peux faire inviter. Ouais. Toi, apparemment, ils sont pas du tout regardants. On a un podcast, hein, quand même. Oui, il faut aller à Los Angeles quand même. Pour elle, c'est le prix du chien. C'est rien pour Julien, ça. Entre une Switch, une Pro, un petit billet. Non, mais surtout, moi, pour aller à un salon, c'est pas non plus le truc. Mais non, après, bon, les magazines, en même temps, ils sont aussi concurrencés par le fait que tous les salons, ils sont diffusés en direct. Tu vois, maintenant, tu peux suivre sur Twitch toutes les conférences. T'as plus besoin vraiment des sites. Tu vas sur Twitch, tu vas sur les sites officiels de l'E3, et puis tu suis tous les événements. C'est Julien qui dit ça, alors que c'est lui qui est le premier à camper devant le Paris Games Week. Julien, je te laisse enchaîner avec les autres news que tu as. Oui, une news qui date un peu, mais bon, voilà, comme dans notre bilan 2016, on avait avec Yao dit tout le bien qu'on pensait de Inside, donc qui était le second jeu du studio danois Playdead. Donc après Limbo, je me voyais mal passer sous silence l'annonce de leur prochain jeu. Donc on a peu d'informations pour le moment, on sait juste que le développement a débuté. Ouais. Donc d'un nouveau jeu, on sait qu'entre Limbo et Inside, ils avaient pris pratiquement 6 ou 7 ans. Ah ouais. Ils prennent leur temps pour des jeux Donc dans là, 6 ans, alors. Là, tu peux te dire que dans 4-5 ans, le nouveau jeu, il se fera sans le cofondateur du studio qui s'appelle Dino Patti, qui, comme son nom l'indique, est donc Patti ailleurs. c'était ma blague. Pour le coup, elle était écrite, celle-là. Je la sentais venir. Il est Patti. Patif, on a un autre studio. Voilà. Et on a une illustration. Donc, ils ont diffusé une illustration vraiment dans le style du studio, c'est-à-dire du sombre avec un personnage un peu indéfini, une météorite au loin, un truc un peu mystérieux. Tu vois, ils ont du Playdead. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'étais pas un gros fan de Limbo. Je trouvais ça bien, mais par contre, Inside, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fini. Et surtout, je pense qu'ils étaient arrivés pratiquement à ce qu'ils voulaient faire avec Limbo. Mais du coup, c'est pas un peu tôt pour faire une annonce si on sait qu'ils vont prendre 4-5 ans? Inside, ça a marché ça a bien marché. Ouais. Parce qu'Inside, il avait pas hypé comme ça, si je n'avais pas suivi le développement après, je sais pas si ils l'ont annoncé peut-être un peu comme après. Je sais pas si Dim, tu l'as fait Inside? Non, pas du tout, j'avais juste fait Limbo. D'accord, on te conseille Inside. C'est vrai que t'en avais dit le plus grand bien. Et enfin, dernière news, malheureusement, c'est la fin de la Wii U. C'est officiel maintenant, on le sait. Donc nous, on avait déjà dans Upcast fait une nécrologie de la Wii U, on avait un peu fait la liste des jeux un peu moins connus que les Mario Kart 8, que les 3D World, que j'ai oublié le nom de Smash, les Smash Bros. On a appris de la bouche de Reggie Fils-Aimé, donc le président de Nintendo, Nintendo of America que Zelda Breath of the Wild, qui sort le 3 mars sur Wii U et Switch, serait le dernier jeu Nintendo de la Wii U. Toutes les forces étant désormais consacrées à la Switch et encore un peu à la 3DS. Donc on trouvera toujours des jeux Wii U en vente, hein, en boutique comme en démat. Les services en ligne ne seront pas fermés, ça c'est ce qu'ils disent. Pas tout de suite. À mon avis, très très vite les former, je pense, en 2018. Et libre à chaque éditeur tiers de sortir des jeux sur Wii U. Ça serait drôle que des éditeurs tiers se disent, et si maintenant on sortait un jeu sur Wii U ? Il reste toujours des jeux qui sortent sur Dreamcast, hein. Mais je crois que la Wii U n'est pas aussi simple à programmer que la Dreamcast. Non, je pense qu'il restera des jeux indés qui peuvent sortir sur Wii U, je crois d'ailleurs qu'il y en a qui ont été annoncés. Donc on en parlait en tout début de podcast sur nos choix ou pas d'acheter la Switch. Donc on a eu quelques petites infos sur la Switch. On a eu apparemment ce qui serait le prix du online, donc entre 20 et 30 euros à l'année. Ouais, c'est vraiment raisonnable, hein, pour le coup. Voilà, ça reste raisonnable. Bon, en même temps, comme tu dois déjà, pour parler avec des gens, acheter une application smartphone. Peut-être qu'au bout du compte, ça va te coûter 70 euros avec toutes les applications. Il va falloir acheter un accessoire. Forfait sur Orange. Forfait, voilà. C'est un truc finalement, mis bout à bout, ça va te coûter plus cher. Ah ouais, ils annoncent entre 20 et 30 euros, sachant qu'ils te filent un pauvre jeu NES ou Super NES, hein, que tu ne pourras même pas garder. Pas garder, ouais. On le rappelle. Ils sont bien foirés là-dessus. Hein, ouais. Bon, on verra. Il n'y aura pas de navigateur internet au lancement. Moi je trouve ça un peu dommage, surtout pour une tablette. Comme il disait sur GameCube, est-ce que toi tu utilisais vraiment les navigateurs avec ta PS4? Moi j'utilisais beaucoup les applis sur la One, par exemple. J'utilisais beaucoup Twitch, j'utilisais beaucoup YouTube, j'utilisais beaucoup Canal+. Ouais, d'accord, les applis, mais les navigateurs en lui-même, tu n'allais pas genre googler sur la One? Non, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà sur arrivé. La Vita, puis c'est pas un peu sur la Wii U, parce que le navigateur était bien. Ouais. Mais c'est vrai que non, je l'utilisais pas tellement. Pour moi, c'est pas une perte, en fait. Ouais, mais pour une console que tu peux déplacer, je trouve Switch, ça... Voilà. Avec son format, pourrait valoir le coup, mais... Donc bon, voilà, ça sera pas le cas. Donc pas d'appli au lancement, c'est-à-dire que, bon, je pense qu'ils en font, parce que sur Wii U, tu pouvais avoir Netflix, par exemple. Ouais. Donc ça, je pense qu'ils le feront après. Donc on a aussi Kimishima qui a dit qu'il espérait ou qu'il envisageait de vendre autant de Switch que de Wii. Alors là, je pense qu'il se met un petit doigt dans l'œil quand même s'ils sont optimistes. Voilà, donc les ventes, soit 100 millions de machines, on se rappelle du succès phénoménal de la Wii. On en parlait tout à l'heure, apparemment les précommandes sont bien meilleures que... Ici, ouais, surtout déjà les deux là. Non, je ne l'ai pas précommandé moi. Ah, t'es à deux doigts là. Non, apparemment les précommandes sont bien meilleures que sur Wii U. C'est vrai qu'apparemment les précommandes sont bonnes quand même, sont très bonnes, et bien meilleures que la Wii U et quasiment du niveau de la PS4 apparemment. Voilà. C'est quand même. Alors, faut dire qu'ils ont mis aussi le paquet, notamment sur la pub. Hein. On a vu la pub au Super Bowl de la Switch qui leur a coûté, je crois, c'est 35 millions les 30 secondes, donc elle dure, je crois, 1 minute 30. Donc voilà, faites le calcul. Déjà 15 millions investis pour de la publicité. Alors, c'est un gros événement, hein, c'est médiatique. En plus, je pense que là, pour le coup, ils ont un bon concept qui est super facile à comprendre hyper rapidement. Donc ça marche. On a vu aussi les pubs françaises pour la console qui vendent comme une console de salon transportable. C'est le mot console de salon est prononcé, alors qu'au Japon, ils font plutôt leur publicité sur le côté portable. Ce qui permet d'expliquer un peu plus le prix, hein, de justifier un peu plus le prix en Europe, qui est quand même plus élevé aussi qu'au Japon. Et au Japon, on sait que le marché a totalement muté, que les consoles de salon se vendent très moyennement bien. Je crois que les stocks sont déjà épuisés au Japon. Alors après, on sait qu'ils n'en ont pas mis non plus des millions. Hein, tout dans le monde, il y en avait quoi, 2 millions 2 millions, je crois. Alors peut-être qu'ils vont l'augmenter un peu plus. On a vu aussi des nouveaux jeux pour One to Switch. ça fera plaisir. C'est la news pour les spécialistes. Alors non, je dis ça parce que, alors je sais pas si vous avez vu ce moment totalement creepy où tu dois en fait bercer un bébé. Tu as ta petite tablette, donc tu as un bébé qui a l'air peut-être extrêmement réaliste, donc très très flippant, et il se met à pleurer, et donc tu prends ta Switch dans les bras et tu le berces comme ça. Tu le reposes quelque part. Alors là, tu le vois, il repose dans un lit bébé, et après il se réveille, alors ils vont le rechercher. Et ça, messieurs dames, c'est ce qui a vendu la Switch à Junior. Voilà, moi je me suis dit, enfin Nintendo dans le photoréalisme et enfin dans les jeux matures. Il y a quoi de plus mature? Si on peut faire tomber le bébé, j'achète. Tu peux le piétiner et lui foutre des vieux coups. Par la fenêtre, c'est Nintendo, c'est solide. Hein. Voilà, ou si par exemple tu as par exemple un prêtre qui passerait par là, est-ce qu'il peut faire des choses avec le bébé? On ne sait pas. Hein. Ça va trop loin. Ça va trop loin, mais en même temps, ça va très très loin. Donc il faut voir, il y a tous les trucs avec les glaçons, il y a le truc où tu peux te battre comme des magiciens, enfin il y a des trucs complètement ridicules, mais qui peuvent peut-être marcher, moi je crois, en One to Switch. Toi, tu vas l'acheter, One to Switch? Je ne sais pas. Sincèrement. Si, il va l'acheter, il l'a dit. Hein. Il ne veut pas l'admettre, mais il va l'acheter. S'il l'achète, moi je pense qu'on peut passer une bonne soirée. Moi, je pense que je vais l'acheter pour jouer avec ma fille. Honnêtement, je pense qu'on peut rigoler. Non, mais c'est une bonne excuse, la fille. Attends, ça va plaire. Hein, ah, bah ça oui. Un truc comme ça, un enfant qui a 5-6 ans, en gros. Bah, les bon, trucs hein. De duel. On en parlait avec Julien, mais ils auraient dû le mettre avec la console. Ah, oui, ça, c'est un autre débat. On en avait par contre, parlé. Oui, ils auraient dû le mettre avec la console. On est tous d'accord. Moi, je l'aurais déjà précommandé s'il y avait One to Switch avec la console, ah ouais. Par exemple. Ouais. Genre à 300 euros avec One to Switch. One to Switch et donc un pack à 350 avec Zelda, comme il y a là. Là, c'est là, il y a un pack à 350 euros, mais sans One to Switch. Voilà, tu vois, avec un petit jeu en plus, type jeu démo pour faire avec tes enfants. Très bien. Ouais, moi, je suis complètement d'accord qu'ils auraient dû le mettre dedans. Tout comme à l'époque, ils auraient dû mettre Nintendo Land. Et là, dedans. Ça aurait été le carton de la Wii, là. Ouais, bien sûr. Ouais, mais Nintendo Land, dès le départ, il y avait un pack, je crois. C'était dans la... Oui, mais c'était un pack en plus, il n'était pas dedans. C'était, les packs étaient 299 euros. Ça passe un peu mieux si tu fais un pack que j'ai la fin. Ah, c'est pas tellement pareil, je trouve. Mais en tout cas, les prix ont baissé entre temps aussi. Entre alors, les prix français, oui, c'est ça aussi, puisque ça avait été annoncé à 329 euros, et maintenant tout le monde est à 299 euros, voire moins, parce qu'ils te font des offres genre Fnac, t'as des bons d'achat. T'as des trucs alors... à 349 euros avec Zelda, comme tu l'as dit. 349, ils t'offrent, je sais pas si tu tapes le code machin, ils te donnent 10 euros tous les 100 euros, donc tu te retrouves avec 30 euros de moins, donc finalement la console, elle te revient. Ils filent Wii U avec. Ils filent Wii U avec. Plus personne n'en veut. Ils filent One to Switch, voilà. Donc bon, voilà, ça c'est un peu rentré dans l'ordre en France à 299 euros, tout le monde s'est un peu aligné. Mais voilà, après, ils ont aussi peut-être mis One to Switch en vente parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux au lancement. Non, c'est un, ça, ça c'est reste un lancement le assez. Gros problème de cette un line-up un peu rachitique, donc ils se sont dit d'ailleurs, si on l'enlève. Je suis curieux de voir si Zelda Wii U va se vendre ou pas par rapport à. Il y a 13 millions de machines, ouais, moi je pense qu'il fera quand même son chiffre, à part si tous les possesseurs de Wii U Switch, mais. Comme toi. Oui, comme certains. Comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Mais dites-nous, peut-être dans les commentaires. Pourquoi vous n'allez pas prendre Zelda sur Wii U? Ou pourquoi vous allez finalement, parce que c'est vrai que dans nos commentaires, dans le dernier podcast, les gens dans les commentaires sur upcast.fr avaient été globalement d'accord, on va dire, avec ce qu'on avait dit, c'est-à-dire qu'on ne comprenait pas trop la Switch et que globalement, on estimait pour l'instant qu'on n'allait pas la précommander. Entre-temps, Julien l'a précommandée. Non, mais peut-être, ça m'intéresse de savoir si dans les commentaires, peut-être certains d'entre vous commencent aussi à être... Peut-être à revenir un petit peu sur leur avis, à se dire finalement elle est pas si mal que ça, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un peu la donne? Il y a eu notamment des baisses de prix qui sont arrivées, il y a eu notamment quelques annonces de jeux en plus. Bon, à vous tu de voir. Tu vérifieras les multicomptes, que ce soit pas Julien qui poste. Hein. Je regarderai avec les mails. En plus, tu peux dire aussi, on en avait parlé par exemple avec Chaton Pute, lui ça correspondait tout à fait à son utilisation, notamment avec son enfant, avec fait qu'il se déplace beaucoup, qu'il ait envie d'avoir une console comme ça. Donc tu peux te dire que ça peut être quand même un choix assez intéressant sur ça. Voilà, peut-être qu'avec on est en train de mûrir et qu'on est en train de comprendre que c'est une excellente console en fait. Et pour ceux qui n'ont pas la Wii U, c'est enfin forcément si t'as pas la Wii U. Si t'as pas la Wii, mais si t'as la Wii et que Zelda, enfin que t'attends Zelda et que tu le prends. Comme ça, je pourrais vous faire un retour dans le podcast. Ouais, ça encore pas non plus être. C'est ça, on fera un double retour. Il n'y aura pas non plus une très grosse différence, enfin, je pense. Enfin, non, je pense aussi. Hein, voilà, après. Voilà qui conclut. Juste vite fait. Ouais. Pour dire qu'en avril sort la bio de Suda51 chez Pix & Love. C'est important de signaler, comme ça vous pourrez le préco. Surtout Pix & Love, c'est toujours des bons livres, de bonne qualité. Suda, voilà, c'est un génie. Donc c'est écrit par vidéo. Florent Gorge et par Mehdi. Alors, est-ce que tu peux préciser qui est Suda51? Alors, c'est le créateur de Killer 7, No More Heroes, Shadow of Edem, dernièrement. Lollipop Chainsaw. Ouais, Lollipop Chainsaw. Ouais. Des jeux bien bourrins, mais bien psyché. Enfin, bourrins. Oui et non, bien barré aussi, mentalement. Bah, Sudagoichi, pour le mieux le présenter, c'est encore mieux que ça, c'est Sudagoichi, il a toutes ses idées en étant aux toilettes. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, il se met aux toilettes, il va aux toilettes, et des idées lui viennent. C'est magique. Voilà. Alors, on aimerait que ça soit pareil pour nous. On verra. C'est pour ça que No More Heroes, tu pouvais aller aux toilettes pour sauvegarder. Donc ça sort en avril chez Pix & Love, ce qui va conclure notre partie jeux vidéo, et on va passer à la partie critique et conseils. Critiques et conseils, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler Dimitri. Hein. Dimitri, je crois que je vais te passer la parole dans cette partie jeux vidéo. Tu as été un peu moins bavard que nos deux comparses. Qu'est-ce que tu nous conseilles ou qu'est-ce que tu nous critiques pour ce podcast? Alors, les amis, j'ai été voir du lourd au cinéma, du gros bourrin comme on n'en fait plus. J'aurais pu écrire cette critique-là sur les toilettes, mais je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je dirais même plus, j'ai donné de ma personne pour l'émission. Bah ouais, on en a parlé dans le point trailer, dans les conseils ciné. Je me devais d'aller voir le film. Un film avec un grand F, Triple X3. Reactivated. Reactivated. Alors, premièrement, ce que j'ai ressenti à la vision du film et à la sortie... C'est indescriptible. Bah, C'est vrai, c'est un immense plaisir coupable déjà. Question, vous étiez nombreux dans la salle ? Ouais, il y avait énormément de monde. Gros silence religieux. Mais c'est souvent comme ça avec les films de Vin Diesel. Mais... Ah ouais, d'accord. Mais alors après, je suis désolé, j'espère que je fusque personne, mais alors, j'ai rarement vu un film, enfin, ou même plutôt un truc plus beauf que ce triple X. Hein. Alors, messieurs, j'étais pas préparé à un tel spectacle. C'est vraiment un énorme revival de soirée passée à mater RTL 9 qui m'a explosé en pleine tronche. Sur une échelle de Steven Seagal, vieux, ça vaut quoi maintenant? Bah voilà, enfin en même temps, voilà, Chuck Norris, Steven Seagal, Michael Dudikoff, voilà, ils peuvent dormir tranquille, la relève est bien là quoi. Je sais pas trop par où commencer tellement il y a de conneries en fait. Ah, est-ce qu'il fait vraiment de la moto sur l'eau ou sous l'eau ou je sais pas quoi comme ah, oui, annonce. Ah oui. Oh putain. Il fait du ski dans la jungle. Et je me suis pas trop renseigné sur l'équipe derrière le film. Non, c'est mais pas j'ai l'impression que voilà que les gars partagent le même amour pour le nanar que moi. Ce film c'est plus une comédie qu'un film ouais, d'action. Ouais, donc c'est un nanar assumé alors. Donc, ah ouais ouais, mais à fond 100% assumé. Là où il fait fort, c'est vraiment qu'il peut toucher plusieurs catégories de spectateurs. Je pense que les fans de base du bon Vin Diesel peuvent tout autant accrocher que les fans de nanar bien What the Fuck. D'ailleurs, Vin Diesel, dans le film, il est vraiment au top. Il joue mal, terriblement mal, c'est fabuleux. Les autres acteurs sont pas mieux. Mention spéciale à l'acteur qui joue la grosse brute dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom, celui du personnage. La montagne. Non, son frère, celui qui a le visage cramé et qui seconde Arial. Ouais, voilà. Oh, alors lui, il sert strictement à rien dans le film, sauf à mettre un protège-dents et se jeter contre les murs. Putain. Ou alors, on a aussi un DJ à la cool qui sert à rien, quoi. Enfin, perso, je devrais former une team pour sauver le monde. Je serais vraiment peut-être plus regardant, quoi. Je serais pas très chaud pour prendre les gars-là, quoi. Et... Enfin voilà quoi, tous les autres persos sont plus clichés les uns que les autres. Alors après, reste Donnie Yen qui nous gratifie de quelques belles scènes de baston. Putain, Donnie Yen. Oui, ça c'est pour le marché asiatique, ça n'a pas été produit par la Chine, comme ça. Ça a été coproduit par la Chine, ouais, c'est ce que j'ai pu voir. Ah, t'es renseigné, Yao. Non, non, parce que j'étais voir la Grande Muraille aussi, donc c'est pour oh, ça. Putain. On a des dômes ici. Oh putain, le niveau de dôme vient de s'augmenter. On est là, on parle de Coppola, on parle de je sais pas quoi, mais non, on va voir les grosses merdes. C'est beau ça, putain. Ouais, mais des grosses merdes assez bien trouvées quand même, parce qu'on sent que Vin Diesel, c'est un gros malin, et il veut reproduire la dynamique de Fast and Furious en faisant un nouveau film d'équipe, car les premiers Triple X se concentraient, on va dire, essentiellement sur les héros. Alors là, on sent le mec, il a dû se dire que Fast, ça va peut-être pas encore durer éternellement, donc il lui prépare un successeur tranquillement. Mais à la différence de Fast and Furious, ça se joue pas grand film et ça se prend pas au sérieux. Il y a vraiment un côté nanar à la cool. Parce que bon, Fast, je trouve que ça se la raconte pas mal et j'ai l'impression que c'est limite devenu un peu prestigieux avec de vrais acteurs comme Charlize Theron ou Kurt Russell. Ouais, alors vrai. Que bon, enfin voilà, on se calme, c'est de la merde en bar, quoi. Fast and Furious. C'est clair que c'est nul, Fast and Furious, quoi. Et comme je disais, voilà, Vin Diesel, il est sacrément futé. Il sait ce qui plaît à son public. Des trucs de beauf, quoi. Et du coup, le Triple X, le 2, il ne compte pas avec Ice Cube, c'est ça? Comment? Le 2, il ne compte pas du tout avec Ice Cube dans la trilogie. C'est un petit canard, c'est ça? Bon, allez, je vais spoiler, parce que de toute façon, tout le monde s'en fout de ce film. Ici, on voit bien Ice Cube à la fin. Ils essayent un peu aussi de regrouper le 1 et le 2, et peut-être de faire un éventuel film, un quatrième film avec les deux en tête d'affiche, quoi. Oh la vache, il va être bien, celui-là. Voilà. Oh, putain. Et donc, ouais, ce que je disais, voilà, c'est vraiment, ça se concentre beaucoup sur les trucs de beauf. Et je pense que le bon Vin Diesel, bah, il a pas trop à se forcer, parce que je pense que, voilà, en bon gros Jackie, il se pose bien, là. Lui, franchement, je pense que dans les années 2000, il devait envoyer Frog à des numéros surtaxés pour recevoir à la fois le logo et la sonnerie de Frog sur son 3310, c'est pas possible, quoi. Ah, lui, c'est un vrai, lui, c'est un bon. Il a des grosses bannes tunées, des pures meufs en bikini qui vont avec tout ça. Et il aime bien siroter une bonne Corona sur du gros hip-hop avec du foot en fond et aussi une partie de Call of Duty. Et en gros, tout ce que j'évoquais là, ça se retrouve dans le film. Oh putain, tu vends bien, hein, ça donne envie. Hein. Et voilà quoi. C'est quand même. Je crois que c'est le meilleur conseil qu'on ait jamais eu de tous les podcasts. Putain, j'ai tellement envie de le voir. Et pour. Et justement, voilà, pour parler aussi d'une scène qui m'a fait vraiment mais hurler de rire, c'est la scène d'ouverture où tu vois où il pirate un truc tout en haut d'une tour avec des antennes. Et ensuite, il se fait poursuivre par des soldats, donc il saute de la tour. Il se retrouve dans une jungle où il prend des skis, ouais, des skis dans la jungle. Et il s'échappe jusqu'à ce qu'il retrouve une route où il sort un skate et il arrive à se faire la malle tout en se faisant tirer dessus par les soldats. Et une fois à l'abri, il arrive dans sa cabane. Et il sort le truc qu'il a piraté, il le branche sur sa télé, et tout ça, c'était pour mater le mondial, enfin l'Euro 2016. Oh mon Dieu. Parce que bon, voilà, tout ce qui compte, c'est de mater du foot avec une bière. Alors là, voilà, je suis désolé pour ce conseil voilà, un peu spécial, mais bon, voilà, il faudrait que je le revoie aussi juste pour... je crois qu'il faut le revoir. Ah ouais. Pour les punchlines incroyables, il faudrait que je les note. Parce que voilà, il faudrait vraiment que je vous ressorte le fleurilège de ces punchlines. Mais bon, voilà, pour conclure, si vous avez du second degré et que vous adorez les nanars, ce film est fait pour vous. Je parlais la dernière fois de Bac à nanars du Auchan, mais je suis convaincu que les Bac à nanars du Auchan, ils ont été créés pour ce film, quoi. Vin Diesel a des actions, les Bac à nanars du Auchan. Ah putain. En tout cas, franchement, je crois que là, tu nous as vraiment donné envie à tous, hein, à tous les gens qui écoutent Upcast, de voir Triple X Reactivated. Ah, foncez, les gars, foncez pour qu'il y ait un quatrième. Non, c'est Julien, ça va pas être facile après ça. Hein, pas de facile d'enchaîner. Pas facile d'enchaîner. Alors, t'avais mis ces deux films, hein, je crois, ouais, que tu as sélectionné. Je sais pas comment tu veux le faire. Bon, bah, je vais vous parler d'abord de Midnight Special. On en avait déjà parlé. Donc, c'est pas vraiment le même style. Hein. C'est pas le même style que Vin Diesel. Hein. Il y a les voitures quand même. Mais... Il y a une voiture. Ouais, Il y a une voiture. Donc, c'est le dernier Jeff Nichols en date en attendant la sortie de Loving. Hein, donc, on parlera sûrement dans les 15 premiers jours. Alors, le synopsis, j'ai pas trop envie de raconter l'histoire parce que non. Je pense que c'est bien de pas trop en savoir. C'est simple. Un enfant et son père, voilà, et qui vont d'un point A à un point B. Voilà. On va pas en dire plus. Pour le coup, par rapport à la filmographie de Jeff Nichols, on est plus proche de Take Shelter que de Mud, avec perpétuellement au cœur du film le côté un peu angoisse métaphysique, le côté appel à la foi, à la croyance en quelque chose et toutes les questions en suspens. Mud tournait plus autour de l'Americana, et là c'est peut-être un peu différent. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus à Take Shelter. Donc le film, c'est quoi comme style? Il croise un peu, on va dire, le thriller. Ça commence vraiment par un truc très très mystérieux. Tu sais, tu te demandes qui est qui fait quoi, que veulent-ils. Ouais, y a plein de questions, on va dire, dans la première heure du film où tu sais pas quelles sont les intentions même du personnage de Michael Shannon et de tout ce qui gravite autour de lui par rapport à l'enfant qui est un peu le centre du film. C'est aussi un road movie. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, un film qui parcourt, je crois, c'est le sud des États-Unis où d'ailleurs a vécu Jeff Nichols. Et les personnages, comme je disais tout à l'heure, vont se rendre d'un point A à un point B. Et bien sûr, il y a une partie science-fiction qui lorgne, alors pas vraiment pour moi, je trouve, vers Spielberg. On avait beaucoup parlé de Spielberg à l'époque, j'ai pas tellement trouvé que ça ressemblait à Spielberg. On n'est pas du tout chez Spielberg, il n'y a pas trop cette crainte métaphysique, il n'y a pas trop cette angoisse qu'il peut y avoir chez Jeff Nichols. Et il n'y a pas tellement. Y a pas même... Un peu dans La Guerre des Mondes, peut-être. Peut-être dans La Guerre des Mondes, ouais, qui est peut-être le film le plus angoissé de Spielberg. Mais je trouve qu'il n'y a pas cette. La relation père-fils, elle n'est pas du tout traitée de la même façon. Ah, et le rapport à la famille, comme le fait Spielberg, qui est un peu le pilier de son cinéma, est pas du tout traité de la même façon. Moi, je trouve parfois ça ressemble plus à du Shyamalan, mais sans le côté un peu petit malin, voilà, qui fait un peu son Hitchcock, qui essaye un peu de manipuler le spectateur. Nichols se fait jamais ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, notamment sur la partie thriller et sur la partie road movie. Il y a des scènes vraiment impressionnantes. Donc on parlait de voiture, là, il y a une scène où ils roulent sur une route américaine, tout phare éteint, et t'as le mec qui met des espèces de lunettes, tu sais, des lunettes de vision nocturne. La scène, elle est assez hallucinante. Enfin, il y a vraiment un jeu entre eux, parce que la nuit et le jour sont hyper importantes dans le film par rapport à l'enfant. Il y a une vraie ambiance, il y a un sens de la construction, du rythme, de la mise en scène, c'est hyper maîtrisé. Alors moi, je suis un peu moins fan de la dernière, de la partie plus science-fiction. Je suis assez d'accord avec toi. De la façon dont il va résoudre cette manière par le fantastique ou par la foi, je trouve que ça apporte pas finalement grand-chose. Je trouve que dans Take Shelter, il réussissait mieux ce final. Où c'était beaucoup plus ambigu dans Take Shelter. C'était beaucoup plus ambigu. Là, c'est pas du tout ambigu, non. Même si le rapport entre le père et l'enfant restent ambigu. Et voilà, parce que toujours chez Nichols, c'est ce pilier, ce qui est au centre du film, c'est la relation entre le père et l'enfant. Et il y a les très bons acteurs, donc Michael Shannon, qui est vraiment, encore une fois, dédié complètement au film, qui est super. Je noterai aussi Kirsten Dunst, qui est vraiment pas mal. J'ai du temps à la reconnaître. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout mise en valeur. Ou je ne sais pas si elle est vieillie ou elle n'est vraiment pas maquillée, en fait. Je pense qu'elle n'est pas maquillée. Et puis, bon, voilà, elle a quand même pris un peu d'années. Elle a un peu gonflé, un peu, je ne sais pas si. Pas autant qu'Agnès Jaoui, hein, je vous rassure. La cortisone n'a pas encore attaqué son visage. Ça dénonce un Drivecast. Hein. Mais voilà, donc j'ai trouvé que c'était un excellent film qui marche vraiment à la fois comme un thriller, comme un road movie et comme un film fantastique. Hein. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont aimé cette partie fantastique. Voilà, mais ça passe vraiment très bien. C'est un film qui ose quand même, hein. c'est un film surprenant. Voilà. Et c'est un film qui, je trouve, qui te met quand même dans un état de stress par rapport à ces scènes. Tu sais jamais vraiment ce qui va se passer dans la première partie où cet enfant est poursuivi, ce qui va lui arriver, qui sait. Je trouve je crois qu'il expliquait qu'il avait fait beaucoup d'ellipses par rapport au scénario pour notamment tenir cette notion de mystère. Mmh. Et je trouve que ça fonctionne super bien dans l'heure et demie, que ça dure à peu près 2 heures, l'heure et demie est assez magnifique. C'est vrai. Du coup, est-ce que tu nous parles tout de suite de ton deuxième film ou est-ce qu'on laisse déjà peut-être parler Yao, hein, Yao, tu as également sélectionné pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est des conseils ou des critiques? On va le découvrir. La première chose, je vais te laisser le prononcer, hein, puisque c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Ryuga Gotoku. Voilà, on va dire Yakuza pour les gens qui ne se la pètent pas à dire le titre japonais. Ryuga Gotoku, c'est normal. Non, je disais, je vais y aller vite fait. C'est mon jeu du moment, donc c'est la préquelle. Au numéro 1, qui est sorti en 2005 sur PS2. Et le numéro 1, tu parles, qui est sorti en 2005 sur PS2. Donc là, c'est la préquelle qui est sortie il y a un an, je crois, au Japon. Et qui a mis du temps à sortir ici. Du temps à sortir ici. Ouais. Donc du coup, sur PS3, PS4. Et ben, du coup, ça raconte pas la jeunesse, les débuts de Kazuma Kiryu au sein de Yakuza, de clan de Yakuza. Il est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Et donc, du coup, il doit trouver. La personne en question pour être innocenté, en fait. Il doit laver son honneur. Voilà, exactement. Et belle histoire de Yakuza. En fait, moi, j'avais déjà expliqué quand j'étais venu, mon dernier Yakuza remonte au numéro 2. Ouais, donc sur PS2. Voilà, sur PS2. Donc là, du coup, j'ai pris plaisir à retourner dans cet univers. En fait, grosso modo, c'est toujours les mêmes bases, hein, sauf que forcément, avec la technologie actuelle, il y a moins de loading quand on traverse des zones, mais c'est un monde ouvert à la japonaise, c'est pas du tout à la GTA. Ouais. Donc, il y a des murs. Il y a des murs invisibles. Il y a des murs invisibles. Mais c'est un grand quartier avec des murs invisibles. Et c'est, pour moi, c'est la générosité des jeux japonais. Donc, t'as des mini-jeux en pagaille, de la baston, vu que c'est un ersatz de Shenmue et de Spike Out. Ouais. Et après, t'as des quêtes à non plus pouvoir que faire. T'as du blabla, beaucoup de blabla, des cutscenes, du blabla. Après, avec des mises en scène la japonaise. Et alors, tu parlais de mini-jeux, mais il y a même des jeux complets carrément. Ah oui, après, rejouer t'as Fighter t'as des Sega Center dans le jeu lui-même, tu peux jouer dans Space Arrière. Ouais, t'as des jeux complets en fait. Outrun, Fantasy Zone, tous les jeux Sega de la grande époque. Et moi, j'ai passé des heures là-dessus. Et ce qui est bien dans le jeu, en fait, on incarne deux personnages mythiques de la série. Donc il y a Kiryu Kazuma et Golo Majima, qui sont que les connaisseurs, ils connaissent bien, qui sont dans toute la saga. D'accord. Et on les incarne plus jeunes, donc dans deux quartiers différents. Donc Kiryu, ce sera à Tokyo, dans le quartier de Kamurocho, l'équivalent fantasmé de Kabukicho. Et l'autre, c'est à Osaka. Dotonbori, ça c'est le nom d'Osaka. Du quartier de Saka, mais dans le jeu, c'est Sotanboli. En fait, voilà, ils ont juste inventé, changé les noms. Voilà. D'accord. Donc, tour à tour, on incarne ces deux joueurs, en fait. Et là, donc, j'en suis qu'au début. Je crois que je dois avoir 2-3 heures, peut-être 4-5 heures de jeu, sachant que on peut aller jusqu'à 60 heures. Hein. Donc, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure par rapport à Nioh. Ouais. Justement, est-ce que c'est l'idéal pour commencer la série? Parce que on sait que c'est une série, ils en sont à l'épisode 6, c'est ça. Qui sortira cette année 6, d'ailleurs. Si on compte pas les spin-offs. Oui, si on compte pas les spin-offs. C'est l'épisode parfait, sauf que si on commence par celui-là, on va avoir du mal à faire les autres, vu que, comme je disais, techniquement, ça date de l'ère PS2. Par contre, ils ont refait le remake du premier. Le premier va sortir en juillet, je crois, de Kiwami. Donc tu peux faire celui-là, attendre le 0 et faire le remake du 1. Après, est-ce qu'ils vont ressortir le 2? Le problème, c'est le 2, parce qu'après le 3, tu peux le faire sur PS3, donc il a PS3 un peu plus techniquement. Le Yakuza 4, il est aussi sorti sur PS3 avec PS4, non ? Non, c'est que sur PS3. PS3 et 5 sur PS4. Sur PS4 aussi. Ouais. Ouais. Tu peux réussir à te refaire toute la série, bon, t'en as à peu près pour 200 ans. C'est ça. Mais ouais, à préciser que, bien sûr, c'est sous-titré en anglais. Ouais, donc, c'est pas en français. Voilà. Donc, il faut s'accrocher, même si c'est compréhensible. Après, il y a de l'argot en termes... lié notamment au clan des Yakuza, tout ça. Mais bon, moi je kiffe, hein, je suis rentré dans mes pantoufles, j'avais quitté cet univers et c'était comme si j'avais délaissé genre il y a une semaine, quoi. En fait, je suis vraiment retourné dans mes pantoufles, comme je disais, quoi. Et enfin, moi je le conseille pour les fans de. Bah, de toute façon, je le conseille à tous les fans de Yakuza, je crois qu'ils sont déjà dessus. Hein, donc... Oui, bah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc ouais, non, mais c'est très plaisant à faire et. Je pense que je vais passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dessus, malheureusement. Mais voilà. Mais c'est tout. Et non, vite fait. Tu veux enchaîner avec The Warrior, qui est un carrément. Vieux jeu, du coup. C'est pareil, qui date des années 2000, qui était sorti sur PS2. Ouais, qui est l'adaptation de Rockstar. Ouais, de Rockstar. Qui est l'adaptation du film de Walter Hill, de 79. Ouais, j'ai jamais vu d'ailleurs. Du coup, ça m'a donné envie de le voir, le jeu. Parce qu'à la base, je crois que c'était vraiment une pure bouse, adaptation toute pérave. Et ce que je disais à Julien, ça m'a vraiment surpris. Le gameplay est assez diversifié. Les sessions de jeu aussi, tu as plusieurs phases, des sessions de course. Donc, c'est quoi ? C'est un beat'em up ou... Ouais, c'est un beat'em up style. Enfin, un monde ouvert. On est dans des zones et on se balade. On a des missions à remplir, voilà. Et ça suit la trame du film, en fait. Ça se passe 3 mois avant un événement qui se passe. Il y a un chef de gang qui est abattu et c'est les Warriors qui sont accusés. Donc, du coup, ça se passe 3 mois avant. On voit comment certains membres sont entrés dans le gang des Warriors. Et on suit tous ces personnages, on s'y attache même. Donc, je trouve que ça a bien repris l'essence du film, en fait. Et je m'attendais pas à ça. Et chapeau à Rockstar, en fait. Et alors, tu joues sur Vita, c'est ça ? Ouais, sur Vita. Non, et c'est la version PSP, en fait. C'est la version PSP ? Ouais, parce qu'il y a une version PSP qui est sortie aussi. Qui est la même que la version PS2 ? Bah, je pense, hein, après. Et pour le coup, ça rien à voir avec GTA dans le gameplay ou... Ah non, c'est. J'allais dire. Enfin, s'il y a des équivalents en 3D. Enfin, je dirais, c'est un Final Fight en 3D, tu vois. Ouais. Donc, ouais, après, c'est du beat'em up. C'est du beat'em up, mais bien calibré, en fait. Donc, j'étais assez surpris. Donc, ouais, j'ai passé une quinzaine d'heures dessus, quoi. Ouais, parce que dedans, t'as des mini-jeux. Donc, t'as un mode où tu peux créer ton gang. T'as un mode genre, j'ai à Double Dragon, un beat vite 2D, c'est la même scène d'ouverture d'ailleurs, mais je crois que Double Dragon s'est inspiré de The Warriors, donc c'est un pionnier, c'est pas mal. Après t'as des modes versus fighting, enfin voilà, donc c'est assez complet. Ouais, ça a l'air. Pour un jeu de 2005, j'étais assez étonné. Donc ça n'a pas trop vieilli quand même. Bah si, ça a vieilli, mais je trouve que certaines choses dans le gameplay, mais ça joue en fait. Le maniement est accessible et agréable, en fait. C'est pas rigide, en fait, comme j'aurais cru. Et donc, ouais, non, c'est une bonne surprise. Du coup, il était pas cher, et moins cher qu'un Double Dragon 4. Sur quoi, souvent, il brade un peu les joueurs Rockstar. Et du coup, non, c'est surtout que ça m'a donné envie de voir le film. Ouais, parce qu'il y a les musiques du film, il y a... Enfin, peut-être pas tous les doubleurs, mais on retrouve bien les voix originales. Ouais, qui est un classique, quoi. Donc, du coup, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a très très longtemps, moi, j'ai surtout souvenir des looks, en fait, qui sont assez particuliers. Ouais, t'as vraiment chaque bande sa caractéristique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien chouette. Enfin, voilà. C'était mes jeux du moment. Tes deux jeux du moment, et Julien, on va te laisser conclure cette partie recommandation. Oui, rapidement, pour faire un peu le pendant de Triple X Reactivated, avec la version turque. Voilà, on sait que les forts comme les Turcs, donc on sait qu'on va avoir des mecs balèzes. Et... Non, bon, pas du tout, puisque c'est Mustang. On en parlait tout à l'heure, puisque c'est le film qui avait obtenu le César du premier film, le film de Deniz Gamze Erguven, mon turc n'est plus ce qu'il était, qui est une réalisatrice turc, mais qui est passé par la FEMIS, et le film est produit en France, d'où sa présence, on en a parlé tout à l'heure au César. Donc rapidement, ça raconte quoi ? On est en Turquie, à 1000 km environ d'Istanbul, donc à la campagne. La campagne turque, hein, ça fait pas forcément rêver, et ça fait même pas du tout rêver, ouais. Puisqu'en fait, on va suivre 5 jeunes filles, 5 sœurs, qui ont entre... la plus jeune doit avoir une dizaine d'années et la plus vieille une vingtaine d'années, et qui sont élevées par leur grand-mère et leur oncle depuis le décès de leurs parents. Donc c'est un portrait d'une jeunesse turque qui est pour le coup éprise de liberté, mais qui est empêchée de vivre par le patriarcat qui est très présent, alors à la fois en Turquie et encore plus dans la campagne turque, et par les traditions. Donc c'est un premier film qui a quelques petites maladresses, qui manque parfois un petit peu de poigne, je trouve, pour le tenir, mais en fait qui a une énorme énergie, qui a des superbes comédiennes à tous les niveaux. Elles sont à la fois magnifiques et elles sont excellentes. Il y a des noms professionnels et quelques professionnels. Et surtout, il y a un vrai sens de l'image, de la mise en scène, et ce qui fait qu'on est vraiment emporté par l'histoire. Moi, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas du tout une thèse féministe sur ce qui se passe en Turquie. C'est vraiment le portrait de cinq jeunes filles dans la société qui les brime et qui, je trouvais intéressant, qui leur construit une double prison. Donc, c'est à la fois une prison physique, parce qu'au fur et à mesure, quand leur entourage, donc notamment leur oncle, va voir qu'elles commencent à essayer de s'émanciper, à vouloir aller voir des garçons, à essayer de vouloir vivre, il va techniquement, littéralement, même les enfermer dans leur propre maison en mettant des barbelés, en mettant. En essayant de fermer toutes les fenêtres, en leur créant une prison physique. Et c'est aussi une prison mentale, puisque l'enseignement de toutes les femmes qui sont autour d'elles, c'est-à-dire leur tante, leur grand-mère, en fait, elles leur enseignent comment devenir de parfaites épouses. Et on est à une époque où un patriarcat est très très fort et où on est encore dans des mariages arrangés, donc où elles découvrent leur mari, mais ce qui est finalement le passage d'une forme de l'emprise de leur père ou de leur oncle à leur mari. Voilà, ce qui est quand même assez terrible, même si finalement c'est leur seule façon, en se mariant, d'échapper à ce qui se passe dans cette maison. Donc on a pas mal comparé le film à Virgin Suicide de Coppola. Mais alors, c'est pas du tout la même esthétique. Chez Coppola, c'est très évanescent, c'est un peu précieux, un peu spleen de petite fille riche, on va dire. Là, on est vraiment beaucoup plus ancré dans la réalité, dans ce que peuvent vivre des femmes et des jeunes filles qui penseraient pas pareil ou qui voudraient échapper aux traditions. Donc voilà, c'est les deux rapports entre les films, c'est juste des portraits de groupe de jeunes filles à une période de leur vie qui est l'adolescence, qui est une période de changement où on a envie de liberté. Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film qui est jamais dans le pathos. Je dis encore, les comédiennes, elles sont vraiment magnifiques. Et c'est un vrai hymne aux cheveux longs, c'est un film sur porter des cheveux longs. Non, mais ce qui est pas anodin dans une société qui est aussi rigide, le fait d'avoir des cheveux longs, c'est aussi un signe de rébellion, c'est un signe de cheveux qu'il faudrait cacher, c'est quelque chose qui est très sensuel, qui est très sexuel. Et ça joue beaucoup dans le film. Et la musique, c'est Warren Ellis et Nick Cave. Il y a des super morceaux au piano. Voilà, non, c'est vraiment un très beau premier film. Ouais. D'ailleurs, qui n'est pas passé inaperçu, puisqu'il avait été vraiment salué à la fois par la critique et par les prix. Et qui avait eu un succès. Et qui est un film. Moi, j'attends de voir vraiment son deuxième film, donc Mustang. Mustang. On va passer aux 15 prochains jours au cinéma. 15 prochains jours au cinéma, donc le prochain c'est le 15 février, si je ne m'abuse, avec une petite sélection qui se ressemble quand même à travers tout ce qu'on a sélectionné tous ensemble. Dim, c'est peut-être toi que je vais faire parler en premier. Alors je vois qu'on a sélectionné tous les 4, non, 3, on est 3 sur 4 à avoir sélectionné Rock'n'Roll. Dim, qu'est-ce qui t'a donné envie de sélectionner ce film ? Bah déjà, c'est pas courant, mais pour une fois qu'il y a une comédie française qui me fait envie. Mais disons, ouais, c'est le côté, on va dire, le côté un peu humour méta, ça peut être sympa, où il y a Guillaume Canet qui joue son propre rôle et qui se remet un peu en question avec d'autres acteurs très connus qui jouent aussi leur propre rôle. Donc sa femme, Marion Cotillard ou Gilles Lelouch. Ça troupe. Donc après, pourquoi pas. Après, ça, le principe, ça me fait un peu penser à la série qui passait sur Canal+, de Éric Judor, Platane. Ouais, Platane, ouais. C'était bon ça. C'était très drôle. Si c'est un peu dans le même esprit, pourquoi pas. Après, à voir. Il a fait une apparition dedans, donc c'est marrant. Ouais, il avait joué dans un épisode, effectivement. Donc, comme dit, moi, j'attends. Je suis fan de Guillaume Canet niveau réel, donc j'attends. Même le petit mouchoir. Il a expliqué. Je pose une question totalement innocente. Même les petits. C'est intéressant, mais bon, après, c'est pas son meilleur, on va dire. Non, voilà. C'est pas son meilleur, ça c'est sûr. Mais j'attends très fortement ce film. Surtout au niveau de Marion Cotillard, qui je crois qu'il s'en prend plein la gueule et elle assume, donc c'est bien aussi. Donc. Toi, t'avais mis aussi Fukushima, mon amour. Ouais, parce que c'est le point de vue d'une Allemande qui se rend au Japon post Fukushima, quoi. Donc c'est toujours intéressant, même si je sais qu'il va sortir dans 2-3 salles, mais tout ce qui a rapport au Japon, ça m'intéresse. Donc, c'est un film allemand, une réalisatrice allemande, je crois. D'accord. Et donc voilà. Et c'est un film ou un documentaire ? Ouais, c'est un film. D'accord. Je vois que t'as mis aussi un truc qui s'appelle Alibi.com. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est le réalisateur de Babysitter 1 et 2. D'accord. David Lachaud. Ouais, mais même la bande-annonce a l'air bien barrée. Et rien que le fait de voir Joey Star. Gay. Voilà. Taper les fesses de son pote. Ouais. Non, c'est une comédie. Non, mais ça a l'air, comme il disait, une comédie c'est française. Fine. Et mixte. c'est pour Stan, ça, toujours. Mais c'est une comédie française qui a. Non, assume ton coup parce que tu veux y aller parce qu'il y a Didier Bourdon. Ouais, tu non, peux dire. Stan aussi. Bah oui. voilà. Mais non, aussi. C'est une comédie française, comme on dit, avec des les influences américaines, tu vois, au niveau du rythme et tout ça. Enfin, après, j'ai pas vu Babysitting 1 et 2, mais apparemment, ça. Ah, ils ont pas mis au montage les influences américaines. Hein. Parce que là, moi, j'ai vu la bande-annonce. Ah là ouais. là. Bon, enfin, non, j'avais quand même, je trouvais Babysitting pas si mauvais. J'ai pas parlé vu, une fois. Non, je suis intéressé. J'ai pas vu le 2, mais. Bah écoute, toi, tu vas. Je te laisse la parole, Julien, parce que tu fais ton malin. T'as mis quoi, A Cure for Life. Je suis étonné que t'aies mis ça. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est le film de Gore Verbinski. Ouais. Et en fait, pour moi, Gore Verbinski, c'est juste le type qui a fait Pirates des Caraïbes. Bah ouais. Donc, c'est un yes man, tu vois, pour moi, c'est un yes man d'Hollywood. Et je suis curieux de savoir. Là, il essaie de faire son Shutter Island. Ah bah clairement, là. Complètement. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça peut donner? J'ai pas du tout envie de le voir, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et surtout, moi, après, excuse-moi, mais ouais, après Gore Verbinski, oui, avant Pirates des Caraïbes, bon, c'était Ranger pas vraiment aussi. Thriller, c'était plus un niveau film d'horreur. Il avait fait le remake aussi. Américain de Ring, ouais. Ouais, Rango, c'est lui. Ouais, Rango, il avait fait Lone Walker. Le remake américain de Ring était pas si mal. Hein. Pour défendre un petit peu Gore Verbinski. C'était nul. Par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. Quand on te dit on va faire un remake américain d'un film. Ouais. En général, une grosse bouse. Moi, j'avais très très peur en y allant. Je me suis dit, ça va, ils sont pas trop ratés, tu vois. Et alors, moi, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce, ils disent, par le réalisateur visionnaire Gore Verbinski. Je sais pas du tout où il a été visionnaire une fois dans sa vie, mais ça m'a fait rire. Alors, après, le film a pas l'air si pourri que ça. Ah, bah, c'est Shutter Island du pauvre, quoi. Oui, c'est Shutter Island. Vous avez pas envie de voir Shutter Island. On dirait un peu un Shutter Island direct où. Tout même DVD, l'acteur quoi, ressemble tout un petit peu à Leonardo DiCaprio, tu vois. Ouais. Il a un petit côté comme ça. De toute façon, Dim ira le voir dans Valérian, je pense. Ah, c'est lui, c'est, lui, hein. C'est ça. Ouais, d'accord. C'est. Comment il dit un nom imprononçable. Dans... Ouais, il a joué dans Spider-Man aussi. Il a joué. C'est le hibou. Non, c'est pas le hibou, c'est. Dans Spider-Man. Non. Ah, il jouait le bouffon vert, ouais, Spider-Man 2. Et je vais garder la main pour élever le niveau. Vas-y. Pour parler de David Lynch. Ouais, voilà, je vois, tu veux The Art Life. Donc, c'est un documentaire sur David Lynch, sur la façon. À la fois, je pense que c'est sur, juste son processus créatif. Ouais. Je pense que c'est ça l'objet du film, que tu le vois à la fois dans son atelier en train de peindre, et à la fois, tu vois des extraits de ses films, de la façon dont il les a conçus. Tu vois des images de l'époque, notamment de Eraserhead. Donc, voilà, moi, je suis très, très grand fan de David Lynch. Donc, on l'attend aussi, Twin Peaks. Moi, j'attends surtout qu'il fasse un nouveau film, mais je sais pas si ça arrivera. C'est un jour. Bobo. Et non, d'ailleurs. Oh, David Lynch. Alors, David Lynch, c'est tout sauf Bobo. David Lynch, c'est, c'est l'Empire des Sens. La bande-annonce de son dernier truc. David Lynch. Tu parles du documentaire. Ouais. Bah, c'est intéressant, c'est un documentaire. Après, pour le coup, ils l'ont juste filmé et ils s'expriment sur la façon dont ils créent. Non, moi, je défendrai toujours David Lynch. Pour moi, c'est pas du tout un auteur bobo. Cette expression, elle est assez horrible, mais c'est pas du tout. Je pense que ça convient à tout le monde. Tout le monde peut voir des films de David Lynch. À partir du moment où t'aimes te laisser emporter, pas forcément tout comprendre rationnellement. C'est plus une opposition entre le fait d'être rationnel ou d'être sensoriel. On peut détester David Lynch. Ouais, ça, par j'ai pas de problème, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pour moi, c'est du côté soit t'es rationnel, donc tu te dis ah, j'arrive pas à comprendre. Soit t'es un peu plus sensoriel ou un peu plus rêveur ou onirique et tu peux te laisser emporter par ces films, quoi. En tout cas, c'est clair que ce documentaire a l'air intéressant. Je préfère aller voir Vin Diesel. Toi, tu préfères voir Vin Diesel. Il y a un dernier film qu'on a mis, on est nombreux à l'avoir mis, c'est Loving. Ouais. Forcément, on en a parlé. Jeff Nichols, t'en as parlé quand tu nous conseillais dans tes conseils, Julien. Donc, effectivement, le nouveau film de Jeff Nichols. Même si là, j'ai un peu de. Ouais, c'est pas ta merde. C'est à cause du thème. Ouais, justement, toi, tout à l'heure, Julien, tu disais que pour Midnight Special que c'était un peu dans la veine de Tech Shelter, et celui-là je pense que c'est peut-être plus dans la veine de Mud. Je suis d'accord, que j'ai préféré quoi. Moi aussi je préfère Mud, et c'est peut-être même le seul film que j'ai bien aimé de Jeff Nichols. Ah ouais, t'as pas aimé Midnight Special? Et bah c'est pas que j'ai détesté, mais j'ai moins accroché quoi. Ah ouais, Mud est génial, Mud pour le coup. Tech Shelter aussi hein. Hein, Tech Shelter oui, aussi. Moi je préfère Mud, moi je suis plus. Et là c'est vrai que ça ressemble plus à. Bon, là c'est une histoire vraie, hein, première fois qu'il utilise une histoire vraie. Ouais. Sur fond de racisme américain. C'est ça, c'est le premier couple, ouais. Mixte en 1958. Voilà. Ouais. Donc on va voir ça. Voilà. C'est vrai que c'est intéressant de voir la carrière de ce réalisateur qui va s'attaquer effectivement pour la première fois un vrai sujet, un sujet qui a existé. Comment il va traiter ça? Il enchaîne. Ah, il enchaîne. Il a enchaîné là, ouais. Et là, ça me fait un peu peur quand tu vois la bande-annonce. Après, elle peut être montée un peu. Elle fait très hollywoodienne, très film à Oscar, très. Ouais. Maintenant, bon, je trouve qu'il a quand même un sens du récit, du montage, tout ça, qui fait qu'il est un peu quand même au-dessus du lot. Il est quand même dans la bonne catégorie des réalisateurs. Donc, même sur un sujet un peu casse-gueule, je pense qu'il peut s'en sortir. Il y a beaucoup de choses, hein, ce 15 février. Je crois qu'on a presque fait le tour. Il en reste un, c'est Dimitri. Ouais, c'est Dim, ça. Toujours pour nous faire plaisir, Dim. Oui, voilà. Oui, non, mais ça, c'était plus pour vous troller qu'autre chose. Parce que non, on n'y allait pas, mais il y a Underworld Blood Wars qui sort. Je pense que ça va être vraiment nul. Je pense que ça va être tout l'inverse en fait d'un triple X où on se marre bien. Ça va être comme le dernier Resident Evil aussi. Ouais, c'est marrant, ils sortent à très peu d'intervalle. C'est le combienième là d'Underworld? C'est le 7e ou 6e? C'est pas le 4e, il n'y en a pas eu tant que ça. Ou peut-être 5e, je sais plus. C'est toujours le truc avec des vampires, des loups-garous, hein, d'accord. Ouais, voilà. Je sais pas, je devais être dans un état second quand je l'ai mis parce que j'ai toujours trouvé ça nul en plus. Faut assumer, Dim. Ouais, c'est vrai qu'ils ont jamais été super bien les Underworld. Heureusement qu'il y a Kate Beckinsale dedans. Ouais, ça. En combi, quand même, par rapport à Resident Evil. Ah, Kate Beckinsale. Elle est mieux que. Beaucoup plus de charisme que Djokovic. Hein. Ouais, ah, moi, physiquement, je préfère Mila Djokovic. Bon, les gars, non, on ne fait pas un débat physique tout de suite, mais de toute façon, on a gagné. C'est Kate Beckinsale. Attendez, les gars, bien sûr. Donc, le 8 février, non, pas le 8 février, ça, c'est mes anciennes notes. Le 22 février, ensuite, donc, c'est la semaine d'après. Et là, il y a Split qui ressort chez plusieurs d'entre nous, hein, sauf chez toi, je crois. Tu l'as mis aussi. Split. Donc, Split, tout le monde a envie de le voir, en gros. Même si ça a l'air quand même un peu casse-gueule vu de la bande-annonce, le mec qui joue 23 personnalités, il faut arrêter à un moment donné. Est-ce que t'as le temps de les voir toutes juste dans le film? Parce que, bon, bref, donc c'est Shyamalan, de toute façon. C'est un rôle à cabotinage ou pas? Ouais, c'est ça, voilà. Moi, j'ai un peu peur de ça. C'est James McAvoy qui joue ça. Après, il est intéressant comme acteur. Enfin, tout dépend. Et tu le vois un peu cabotiner dans la bande-annonce, quand même. Il cabotine un peu. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire, quoi. Vu le succès que ça a eu aux États-Unis. L'éternel retour de Night. Et puis il y a quand même des bons retours, ce que je disais. Ouais. Mais moi j'avais bien aimé son film précédent, chez Malan. J'ai honte de le dire, mais la visite. C'est un peu ça, mais c'est des adolescents qui visitent leurs grands-parents. Là. Ah oui, c'est j'avais trouvé ça pas mal du tout, moi en fait. Ouais, c'est ça qui m'a étonné. J'ai honte de le dire. Je fais mon dîme, là, je fais mon coming out. Mais moi dernièrement, j'ai lu Avatar, Airbender. Ah ouais? C'est chaud. Le maître de l'air. Bon, en tout cas, Shyamalan revient chez nous. J'ai vu juste pour parler du film. Ouais. C'est pas le seul réalisateur. Enfin, selon mes notes. Non, il y a Zach Roberts aussi qui travaille dessus. Co-réalisé. C'est qui ce brave monsieur? On le connaît pas, lui. c'est qui ce monsieur? Bah, attends, je vais cliquer en direct sur le lien. Donc, si vous avez une musique, c'est Allociné qui nous met une petite pub. Co-réalisateur, nationalité américaine. J'ai pas d'autres informations sur lui. Hein. Écoute, notre partenaire n'est pas actualisé sur ce bon monsieur Zach Roberts. Beau frère de Night Shyamalan. C'est ça. Il l'a fait bosser, c'est la méthode Pénélope Fillon. Quoi. Du coup, j'ai. Pas de politique, Julien. On a dit ce soir. Non, on avait cité Mélenchon. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que là, j'ai perdu mes notes. Donc, on a John Wick 2. J'imagine que vous avez mis ça. Quelqu'un a mis ça? Dim. Moi, j'ai mis ça aussi, je pense. Bah ouais, et vous savez que j'ai pas vu le 1. Faut que je le regarde. Ah, vraiment. C'est vrai que tu nous avais dit que t'avais pas vu le 1. Ah oui, exact. Et bah, moi, je maintiens mon avis. C'est un très bon film d'action, John Wick 1. Ouais, et à mon avis, John Wick 2 sera un bon film d'action aussi. Je vois pas, ouais. Keanu Reeves, il se prépare sérieusement à ses rôles physiques, donc je lui fais confiance. Et la réalisation de John Wick 1 était quand même très très nerveuse. Donc moi, c'est vrai que j'ai envie de le voir le 22 février, John Wick 2. Julien, chez nous, comme moi, tu l'as mis. Pareil, et toi aussi, tu l'as mis à haut. Pour alors... faire le lien avec la politique. Oui, justement, alors, on parle pas de politique, là, c'est dommage. C'est surtout pour Lucas Bellevaux. Moi, j'aime bien Lucas Bellevaux. Donc, Lucas Bellevaux, c'est le frère de Rémi Bellevaux, hein, le réalisateur de C'est arrivé près de chez vous, qui s'est malheureusement est décédé. Qui avait joué, qui était acteur chez lui pour du C4 pour Daniel, je crois, un truc comme ça, qui était le premier court-métrage qu'ils avaient fait. Et donc, il a fait quand même pas mal de films depuis, notamment la trilogie avec En Cavale. Il y a pas mal de films, mais dernièrement, c'est un bon réalisateur, notamment de genre, un peu de polar. Et là, alors, 48 c'est. Témoins, truc, 48 ouais, 28 témoins, je crois. Enfin, beaucoup de témoins. 23 personnalités, 48 témoins. Ça va être compliqué. C'est ça. Et là, c'est un film, je trouve, un peu casse-gueule la montée d'un parti populiste, on va dire, puisque ça commence. Tu vois, donc je crois que c'est Émilie Dequesne qui joue un médecin. Voilà, ça commence un peu comme ça, un peu comme chez les Frères Dardenne, un truc un peu. Non, mais c'est vrai, très naturaliste. Ouais, naturaliste, Et après, ça part complètement différent. Et t'as une espèce de Marine Le Pen donc, qui est jouée par. Je crois que c'est Catherine Jacob, d'ailleurs, qui s'était fait critiquer par. par un mec du FN, je crois. Enfin, voilà, c'était un peu bizarre. Parce que dedans, alors, il se défend que ce soit le FN, il dit simplement de voir la montée d'un parti populiste et voilà, voir comment on peut s'engager en politique. Bon, après, tu vois que c'est quand même vraiment le FN. Il y a le logo et tout. C'est, voilà. Mais je trouve que c'est un sujet qui n'est pas tellement traité en France. C'est un sujet presque d'actualité, puisque ça va nous concerner très bientôt. Et il y a peu, finalement, de cinéastes qui osent un sujet aussi. Il y avait un film avec... comment il s'appelle l'acteur de Taxi. Non, mais je rigole pas. Ah, c'est une série. Ouais, sur ce thème-là, sur le Front National, je crois qu'il sortait avec justement une fille. Il a encore envie, lui. Du Front. Non, mais c'était avant. Ah bon. Et t'avais, sur la politique, t'avais un très bon film qui s'appelle L'exercice de l'État, avec Michel Blanc, voilà, qui montrait les arcanes de la politique et comment voilà, c'était compliqué d'être homme politique et de faire de la politique et de diriger et de gérer. Et voilà, là, je sais pas, ça peut être un peu casse-gueule, mais en même temps, ça me donne quand même envie de le voir. On verra ça le 22 février. Dernier film Dim et Yao que vous avez mis, c'est Fences. Ouais, Denzel Washington. Réalisation, voilà. C'est tout. Ouais, je me demandais si c'est son premier film ou pas. Non, c'est son second, je crois. Il en a déjà fait un second, soit deuxième ou troisième. Je crois qu'il en avait déjà un sur un sport américain, je crois que du baseball ou du football. Et, voilà. Ouais, bah là, c'est encore ça. C'est encore un film sur un peu sur le baseball, il me semble. Donc voilà, bah, Denzel, pour moi, c'est toujours de la valeur sûre. Donc voilà, à voir. Toi aussi, Dim, c'était pour Denzel Washington en réalisateur? Oui, voilà, c'est un peu ce que ça m'a trié. Puis il me semble qu'il était aussi. Il est nominé dans certaines catégories aux Oscars, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est peut-être intéressant de le voir. Mais... Après, je vous avouerai que je ne me suis pas plus intéressé que ça au film, donc je verrai, quoi. Si j'ai le temps, j'irai le voir. Le Dim. Bon, ça va conclure un petit peu nos 15 prochains jours au ciné. J'ai envie de vous dire, alors on va certainement terminer en musique, mais avant ça, on va faire comme d'habitude, vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur upcast.fr pour venir mettre des petits commentaires, me dire un petit peu tout ça. Tu parles pas des sorties de jeux vidéo? Si, c'est vrai, excuse-moi, je suis sur mes notes. Si, si, je vois qu'il y a un jeu qui sort qui s'appelle Berserk. Une sortie le 24 février. Le 24 février. On voit que c'est toi qui l'as mis, ça. Tout le monde s'en fout. Un mousseau adapté d'un manga très célèbre. Donc voilà. En plus, t'es fan de Berserk, tu nous en avais déjà parlé. Toi. Donc voilà, donc C'est un jeu qui est développé par l'équipe spécialiste des Musso. Bah, toujours, Omega Force. Dynasty Warriors et trucs comme ça. On est toujours les mêmes. Guillaume Musso. C'est lui qui l'a co-écrit. En bref, tout le monde sait que ça change de style pas mal. Ça va être un jeu pour niche, c'est pas terrible, mais bon, qui fait le taf, quoi. C'est un beau défouloir. Quoi. Ah, c'est plutôt début mars qu'il y aura du gros jeu entre Horizon et le Zelda. Ouais. On aura plein de choses à dire. Il y a aussi un jeu qui sort fin de semaine, c'est Dragon Ball Fusion sur 3DS. Ouais. Et pour une fois que c'est pas un jeu de baston et c'est un petit RPG qui a l'air d'être pas trop raté. Qui a l'air. Même moi je suis intéressé parce que je suis pas RPG. Et... Est-ce que c'est une sorte de Pokémon-like ou pas du tout? Alors ce que j'ai entendu dire, c'est mais à ce qui paraît, c'est un peu un Pokémon-like dans le monde de Dragon Ball, donc pourquoi pas. En fait, ce qui est kiffant, c'est que tu peux fusionner tout le monde en fait. C'est le rêve ultime pour les fans de la série quoi. Ouais, voilà, exactement. Je pense que tu peux faire des fusions bien bizarres et tout. Ça peut être assez fun. Voilà. C'est tout. Venez nous dire de ce que vous en pensez sur upcast.fr. Bien sûr, téléphone de sur Twitter, @upcastfrance, même si on n'y est pas trop. Enfin, voilà. Hein, mettez des étoiles sur Upcast, sur iTunes ou je sais pas quoi, ou sur ce que vous écoutez comme plateforme. N'hésitez pas. Et on finit donc en musique, comme d'habitude. Oui, avec Un artiste dont je vais beaucoup vous parler cette année, c'est Father John Misty. Ah, bah ouais. Voilà, donc Just Hillman qui revient pour son troisième album après I Love You and a Beer, dont j'avais beaucoup parlé en 2015. Vous avez déjà conseillé cet album en 2015. J'avais passé le morceau qui s'appelle Holy Shit, qui reste un des grands morceaux. Et là, il revient avec un album qui s'appelle Pure Comedy. L'album sort, je crois, fin mars, début avril. Il va être très question de politique et aussi de Trump. Hein. Donc, Father John Misty, c'est un peu le type le plus cool du monde avec sa barbe, ses petites lunettes. Il a la classe ultime. Et là, Pure Comedy est très très bien. Je pense que l'album, il y a déjà trois extraits qui sont parus, qui sont vraiment très très bons. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est excellent. C'est Father John Misty, donc Pure Comedy. Ouais, on se quitte là-dessus avec Pure Comedy, Father John Misty, et on se retrouve dans 15 jours à peu près. Ça va être ça. Allez, à bientôt. Salut à tous. Salut, bonne soirée. Salut. Comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our motherships. And so nature She divines this alternative. We emerge half formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address. Like say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? You gonna get this thing, it's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. Comedy. Now that's what I call pure comedy. Just wait until the part where they start to believe they're at the center of everything, and some all-powerful being endowed this horror show. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're totally obsessed with risen zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits, and they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them. Their confusion somehow makes them more sure. They build fortunes, poisoning their offspring, and hand out prizes when someone patents a cure. Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? Mammals are hell-bent on fashioning new gods, so they can go on being godless animals. The only thing that seems but the only thing that they request is something to numb the pain with, until there's nothing human left, just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got.